Excellente nuit, il est 2h. Mickaël Menten pour vous informer. Bonsoir. Une perquisition a été menée ce dimanche dans le quartier bruxellois de Dansaert, rue de la Clé, à la limite de Molenbeek, Saint-Jean et de Bruxelles-Ville. Les unités spéciales d'intervention ont été déployés vers 18h avec de gros moyens, dont deux véhicules blindés. Cette opération était en lien avec les attentats de Paris, mais le suspect numéro 1, Salah Abdeslam, n'était toutefois pas la cible. Au total, deux personnes ont été interpellées et emmenées pour audition. Il s'agit de deux frères. Un périmètre de sécurité a été maintenu durant toute la durée de la perquisition. Les habitants concernés ont regagné leur domicile en début de nuit. Ils sont enfin en route pour Paris après une drôle de mésaventure. Les 459 passagers du vol Air France Île-Maurice Paris. La nuit dernière, l'appareil a dû se poser en catastrophe au Kenya après la découverte d'un engin ressemblant à une bombe. Finalement, après intervention des démineurs, il s'agissait d'un bricolage inoffensif. Jusqu'à 8 heures de retard ce dimanche pour plusieurs milliers de passagers d'Eurostar en cause des problèmes techniques du tunnel sous la Manche. Le service doit reprendre normalement ce lundi matin. La victoire de la droite en Espagne, les conservateurs du Parti Populaire ont remporté les élections législatives, obtenant 28,7% des suffrages. Cela dit, le parti au pouvoir perd sa majorité absolue. Le PP n'obtient que 121 sièges sur 350 au Parlement. C'est 65 de moins qu'en 2011. Un résultat qui risque de compliquer la formation d'une coalition. Le Parti Socialiste arrive deuxième avec 22,2%. Il est suivi de la gauche radicale Podemos qui dépasse la barre des 20%. En sport, football, suite et fin de la 20e journée de championnat, trois matchs étaient au programme ce dimanche. La Gantoise a gagné contre Courtrai 3-0. Lourde défaite du Standard au Stand 4-1. Et puis Anderlecht est allé battre le club de Bruges, score final 1-4. Au classement général, la Gantoise est leader avec 43 points. Au Stand est deuxième avec 38 points. Anderlecht et Bruges se partagent la troisième marche avec 37 points. Le Standard est septième avec 25 points. Très belle nuit à tous. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. De 2h à 6h avec Cyril. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, je sais pas ce qu'on dit à cette heure-ci. Ça va toute l'équipe autour de la table? Oui. Ah, c'est un petit oui. Ah bah, alors c'est vrai que c'est l'heure du café. Pour moi c'est l'heure du petit déjeuner, mais que liquide forcément. Ce soir, soirée spéciale vinyle. Vous choisissez ce que vous avez envie d'écouter. Si vous avez des vieux morceaux que vous voulez réentendre, bah, n'hésitez pas. 0830 007, ça c'est le numéro de téléphone, mais qui n'est pas actif ce soir, donc ça ne sert à rien de le dire. C'est bon réveil. Joignez-nous sur le Minitel. Ouais, non, il va falloir quelques minutes, hein. Je viens de me réveiller, donc il va falloir quelques minutes pour se mettre dedans. Il y a le site internet qui est là, vivaforlife.be. Alors d'ailleurs, je pense que Walid a lancé un grand sondage, un concours carrément, ouais. Pour pouvoir écouter les morceaux. On va retrouver Walid dans un instant qui, lui, a la chance de pouvoir sortir. Il est parti prendre l'aide. Bénédicte Depré est avec nous ce soir. Ça va bien. Ça va. Sylvestre de Fontaine aussi. Salut, Sylvestre, tu es là. Il y a Grégory Carrette qui est là aussi. Salut. Je t'ai vu danser tout à l'heure avec les cheveux, là, ça faisait très rocker. Ah, mais oui, mais Iron Maiden est un peu en moi finalement. Ah bon? Oui, c'est bien caché. Ils sont plusieurs. Il a fallu faire un peu de place. Jérôme Collin, plaisir d'être aussi autour de la table cette nuit. Raphaël Charrier qui a pris les platines. Bonsoir à tous. Oh, quelle belle voix. Vous éclatez ce soir, on est parti, je vous l'ai entendu. Ça me donne envie de faire un manège. Les garçons, tenez-vous la main, tous sont séparés. Je rappelle que Michel fait des cocktails au fond du jardin. Ça me fait penser aux foires. Vous savez, quand c'était quoi? C'était dans le Waikiki, là, le truc. Waikiki. Je sais plus comment ça fait. C'est une espèce attention, de barre horizontale. Ça bouge. On tourne le volant, pousse la pédale. Dernier tour, attention. Qui va attraper la flèche aussi? Sur le 17, sur le 17. Et Walid qui est de retour aussi, ça va Walid? Oui, j'étais là où le roi va seul, enfin ça dépendait des jours en fait. Toi tu veux dire en thalasso? Oui c'est ça. Walid t'as lancé un concours. Oui tout à fait. Il faut faire des dons sur VivaForLife.fr pour choisir un vinyle. Oui, pour choisir un vinyle parmi tous ceux qui se retrouvent là-bas sur la table. Donc rendez-vous sur VivaForLife.be. Celui qui fera le plus gros don eh bien, aura le plaisir d'écouter avec les auditeurs et les téléspectateurs de la Une eh bien, ce vinyle. Alors il y a qui? Donna Summer, il y a Céron, il y a Bob Sinclair, il y a Jacques Brel, il y a les Snorky, ah ouais. Il y a Patrick Coutin, Flashdance, il y a Flashdance, il y a Barry White et c'est tout. Et c'est tout. Mais il y en a 8. Il y en a 8. Ah bah il y en a 8. Il y a une heure, on ne sait plus compter. ça marche plus. Vous choisissez celui que vous préférez sur viaforlife.be. Le principe est simple, vous faites un don et tout à l'heure on l'écoute. Alors de toute façon, a priori, on va les écouter à peu près tous. Non, on a dit 6h du matin. 6h du matin. D'accord. Vous allez être bien cerné à la fin de la nuit quand même. On va du côté de la boîte aux lettres, il y a Vanessa qui est à la boîte aux lettres. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Je viens vous voir. C'est gentil ça. T'es venue avec un vinyle? Oui. Ah, qu'est-ce que tu as porté? La Boom. La Boom, ah. Bon dossier. Est-ce qu'en plus du vinyle, t'as mis un petit sou dans la boîte oui, à dons oui. Ah ben parfait, du coup on va pouvoir écouter ton morceau. Alors il y a une seule fille, il y a une seule fille autour de la table qui va avoir le privilège de danser avec Bénédicte. Je propose Cyril. Avec c'est plaisir. Dans la Boom, les popcorn, non? Merci les bon cinéma avec qui met de l'eau avec Bénédicte. Ça tombe bien, il y a des écrans. C'était bien ça. Tu veux casser des écrans, c'est ça que tu veux faire? Non, j'ai dit ça tombe bien, il y a des écrans pour refaire la séquence de la Boom avec le popcorn, le sac de popcorn. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur le Live Center et en direct sur la Une. Dans un instant, il y a Tony qui sera avec nous au téléphone juste après avoir écouté le morceau qu'il a choisi. C'est Focus, Hocus Pocus, tour de magie. Oui. Je vous le passe. Viva for life. Focus, focus par focus, c'est ce que vous avez demandé hein, sur viva4life.be. Et alors, il y a un moment, où, j'ai pas retrouvé le moment dans la chanson, j'aurais bien voulu, mais ça yodel. Est-ce que vous êtes fort en yodel autour de la table? C'est très dur. Pas mal, Raphaël Charlier. On va faire un tour de yodel. Le Sylvestre. Moi, je suis incapable de faire ça. Non, sérieux. Non, mais là, j'ai des limites. Et elles sont atteintes, là. Mais je les assume. Oui, là, je suis incapable Walid, de faire ça. Je sens que le yodel, c'est toutes tes origines. C'est son truc. Ouais. C'est moi, c'est un yodel oriental. Quoi. C'est facile. C'est couscous yodel. Ce coin-là, quoi. C'est facile. C'est pas mal. C'est le yodel oriental. C'est le sud de la Suisse. C'est ça, c'est le côté suisse, mais où il y a du soleil, et du sable, et de la mer. Grégory, le yodel, si toi tu le fais, ça dit quoi? Ça, c'est très Éric Desmusclé. Éric Desmusclé, c'est le père de Heidi, quoi. Qu'est-ce que tu sais pas faire le yodel? Il y a quelque chose, Jérôme, avant de quitter. C'est comme Sylvestre, moi, j'ai des limites et je les assume. Le yodel, je suis nul. Et Bénédicte, je suis sûr que tu le maîtrises. Le yodel en mode rap. Vas-y. Yodel. Yo-yo-yodel. C'est pas mal. Ah, pas mal. Yodel, ouais. 2015 du yodel. Maître yodel. Raphaël Charlier, Jérôme Collin, vous allez nous quitter déjà? Yeah, oui. Tout à fait, on a levé la même gonzesse, c'est le premier qui arrive chez elle. Elle s'appelle Christophe. Bien sûr, mais comme moi, je roule avec une Golf GTI. Je pense qu'elle va repartir avec moi, bien sûr. Je rappelle que la plaque immatriculée GXB827 a pris le départ de son véhicule, merci. Et sortez couvert, t'as oublié de dire. Sortez couvert, bien sûr. Ouais, Tony voilà. est avec nous au téléphone cette nuit, salut Tony. Oui, bonjour. Tony. Bonsoir, Tony de Bernissard qui a donné 50 euros pour écouter cette chanson, ça c'est pas mal. Merci ben beaucoup. Oui. Est-ce que vous pouvez couper la télé, Tony? Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Carrément, la télé. Couper le son, ou aller au disjoncteur général de la maison. Coupez tout, comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus de bruit. Je vais chercher la tronçonneuse ou le couteau? Oui, bonsoir. Pourquoi est-ce que vous vouliez écouter Hocus Pocus? Hocus Pocus, écoutez, je trouve que c'est un morceau extraordinaire qu'on n'entend pas souvent. C'est très vieux. C'est un groupe... hollandais. Et j'ai eu la chance de voir à peu près tous les groupes qui existent sur la planète. heureusement pour moi, quoi. Mais je trouve ce morceau aussi vraiment extraordinaire, point de vue originalité, quoi. Il paraît que Hocus Pocus, il joue au chapeau. C'est de la magie, en plus. C'est la plus ultra référencée que personne ne comprend. C'est le moment où tu dois y aller après. Ouais, effectivement. Mais je pense au plus focus, c'est justement un truc de magie. Hein. C'est, tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont disparu en fait, pour mettre de musique. Exactement. Voilà, enfin, je suis très content d'être avec vous. À la radio. En plus, mon épouse, qui est aide familiale, connaît très bien le problème des enfants qui sont un peu défavorisés, enfin un peu ou beaucoup surtout défavorisés. Et le morceau que j'ai choisi, c'est pas spécialement mon morceau préféré, mais je trouvais que c'était c'est quelque chose un peu déconnant et qui met de l'ambiance. Festif. Très bon choix, parce qu'on a passé un bon moment à l'écouter. Merci beaucoup, Tony. On vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Pareil que le remix de Magician est pas mal. On les a toutes faites. Alors, juste avant ça, tu vas lancer une dernière fois la platine avec le vinyle de Vanessa qui nous a apporté. Ça, c'est la musique de la boom. Bien sûr. Alors, ça va être le quart d'heure américain. Fais gaffe, tu vas rester calé avec cette voix-là à un moment. Les filles. Invite les garçons. On s'invite, on se prend la main, on va au centre de la piste. La piste de danse. Excellente nuit, excellente soirée. Arrête de toucher mes fesses. C'est le moment love. Merci Raphaël, Charlie et Jérôme Collin. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. city. A wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, although it's only fantasy. Dreams are my reality. Magnifique remix de Walid. Il a décidé d'arrêter le morceau en plein milieu. Hein, Walid est un précoce. Ouais, bah écoutez, voilà. Il a joué un peu vite. Il faut que les bonnes choses s'arrêtent rapidement, je veux dire. Merci à Vanessa qui nous a prêté ce vinyle de La Boum. Merci à elle. Si vous aussi vous avez des vinyles que vous avez envie d'écouter, vous pouvez soit passer ici sur la place de la Digue à Charleroi pendant la nuit. On a régulièrement des petites visites. Ou alors sur viaforlife.be, vous choisissez vos morceaux. Alors Walid, tu as lancé tout à l'heure un concours. On va écouter un premier disque, un premier vinyle qui a été sélectionné. Ah, par qui? Et Christian qui a choisi d'écouter. Ce morceau est avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Salut Christian. Bonsoir Christian. Vous vous appelez d'où Christian? Ben j'appelle Dewaï. C'est loin ça? Ah ben c'est tout près disons que j'habite dans un petit village qui s'appelle Paradis. C'est ouais. Pas vraiment le paradis, mais enfin bon c'est comme ça. C'est près de Arzé au fait. Et c'est là qu'il y a tous les animaux. Arzé, ouais. Et la fameuse musique qui reste dans la tête de tout le monde. Dis-moi, ah, dis-moi, oui, de la semaine. Le nom d'un animal du monde sauvage des Wai. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Je sens comment on est conditionné par ce truc. C'est dingue, hein. Il y a des musiques. Et Wai, je connais, ouais. Mais non, enfin, je connais pas, mais. On n'est pas allé, mais on sait qu'il y a un parc là-bas. Il n'y a pas longtemps que j'habite par ici, de toute façon. Hein. Il y a que 3 ans que j'habite dans la région. Sinon, vous étiez où avant? On va faire votre biographie. Vous êtes né en quelle année? À Plankendal. Une chanson, une ville. Oui, c'est ça à chaque fois. Donc, je suis né à Plankendal, je suis allé à Anvers après. J'étais dans la région de Mons. J'étais à Brugelette pendant quelques temps. Et merci d'être avec nous ce soir, Christian. Vous avez donné 5 euros pour pouvoir écouter le vinyle proposé par Walid. Vous avez choisi lequel du coup? On the radio. Hein, de la summer, on the radio. On the radio, 5 euros. Pourquoi ce morceau? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? J'adore Donna Summer, elle a une voix fantastique et puis c'est une de ses meilleures chansons qu'elle ait pu faire. Il y en avait d'autres, mais celle-là, c'est celle que je préfère. Eh ben, écoutons-la alors. On vous embrasse, Christian, passez une bonne nuit. J'avoue et bravo encore. Merci à vous, à bientôt Donna Summer et puis vous continuez à choisir la musique. VivaForLife.be, on vous attend. Boring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stand a chance. I always dreamed I'd find. Walid, ça fait combien de temps que t'es rentré dans ce cube? Trop longtemps. Parce que c'est pas du tout le morceau que Christian nous a demandé. C'est une version un peu spéciale de Donna Summer. C'était homme de télévision. Donc tout à l'heure, tu as coupé un morceau en plein milieu. Et si t'as pas choisi le bon, on est prêt à tout. Et le pire va arriver, je pense, cette nuit encore. Parce que deux Donna Summer valent mieux qu'une Donna Summer, on est d'accord? Et 10 pour faire 1000. Et là, c'est pas bon non plus, en fait. C'est bon, bah. C'est bon, ça m'a l'air bon. C'est le bon, tu as bien fait. Mais on l'écoute. Le DJ là. Le DJ bourré fin de soirée. Just who they meant. Whoa. a été demandé sur viva4life.be. C'était dans ta sélection, Walid. Ça, c'est très bon, ça aussi. I love to love you, baby. Écoutons tout l'album. On le garde pour un peu plus tard si quelqu'un le demande, celui-là. Oui, c'est vrai, on peut le garder, mais voilà, il y en a d'autres. Évidemment. Viva4life.be, si vous avez envie de choisir la musique, vous faites un don et ça partira pour toutes les associations qui défendent les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un enfant sur quatre. Merci à vous de faire vos dons, tout comme la personne qui est à la boîte aux lettres en ce moment. Bonsoir. Salut. Comment tu t'appelles ? Julien. Julien, sois le bienvenu. Cette nuit, tu passais par là, tu t'es dit, je vais aller leur donner un vinyle ? Ben, ça fait quelques fois que je passe. En fait, depuis que vous êtes dans le cube, je suis passé chaque jour. Je suis passé hier avec ma copine, chaque fois faire un petit don. Et ben voilà, ce soir c'était l'occasion. T'es passé avec ta copine hier, mais elle t'a quitté aujourd'hui, t'es plus avec elle ? Non, mais elle conduit le tracteur qui nettoie la place. Et merci à toute l'équipe, petite parenthèse, mais en ce moment effectivement il y a l'équipe de la ville de Charleroi qui est en train de nettoyer la place parce qu'après les choquets c'est toujours un peu le bordel. Bruyant. Donc c'est un peu bruyant effectivement, on a l'impression que t'es dans un gros ventilateur, mais merci à toute la ville qui s'occupe d'entretenir cette place. Alors tu es venu avec le vinyle, tu mets un petit sou dans la boîte à dons, comme ça on peut écouter. C'est fait. J'ai vidé ma semaine dedans. Ah bah nickel, bah merci à toi. Et alors t'es venu aussi avec des croquettes qu'on a donné à Cubi. Est-ce que tu aimes les croquettes? Est-ce que tu as déjà mangé des croquettes pour chat? Ouais, j'ai déjà goûté cette pâte. Tiens, c'est très bizarre. Alors, nous allons le tester ici. Tiens, je vais t'en amener. Non, Walid veut faire bouffer des croquettes à tout le monde. On va échanger. Walid va te donner les croquettes et en échange, tu donnes le vinyle qu'on va écouter dans un instant. C'est quel vinyle que t'as apporté? David Bowie. Énorme. On va écouter ça donc dans quelques minutes. Et juste avant, je voudrais qu'avec Bénédicte et Sylvestre, Nous fassions un petit déjeuner un petit peu particulier. Parce que vous vous levez tôt d'habitude pour aller animer sur Pure FM. C'est Greg qui se lève tôt. Greg et Bénédicte. Non, mais Sylvestre peut faire aussi. Moi je vais aller plus tard. On va faire un défi Pure FM. Vous voulez du lait avec ou pas? Greg et Bénédicte, vous levez à quelle heure d'habitude pour faire la matinale sur Pure FM? 4h45. Et le petit déjeuner c'est quoi? Alors, on a instauré une grande tradition qui consiste à manger un pistolet au filet américain à 9h02. C'est vrai? Oui, exactement. C'est intense quand même. Ouais. Et donc, avant ça, il n'y a rien? Avant ça, il n'y a pas grand-chose. Ah, yaourt. Voilà, on n'a pas le temps, on est aujourd'hui, occupé. Aujourd'hui, on va changer le dessert, j'allais dire. On va changer le petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est des croquettes de Cubi. Cubi qui est très généreux, hein. c'est un chat adorable. Il a le cœur sur la patte et il vous a prêté des croquettes. Riez, Sylvestre, riez. Est-ce que vous allez pouvoir manger la dose de croquettes qu'on vous a déposée? Non. Si, c'est la dose. Non, il faut tout mettre dans la bouche. Cubi partage, il vous donne, on va pas lui rendre après. Non, mais la mienne est beaucoup plus grosse, ce qui est normal. Cet animal s'est sacrifié pour vous, franchement. Mais moi, je mange pas beaucoup le matin, donc je vais manger une croquette. Allez, une croquette en direct sur le Live Center, en direct sur la Une. Bénédicte et Greg que vous retrouvez sur Pure FM le matin. C'est psychologique, mais je veux pas de forme de poisson. C'est comme ça. Je suis pas sûr que ça goûte vraiment le poisson de toute façon. Non, mais c'est pas grave. Alors, attention. On teste. Ah, ça croque bien. Est-ce que c'est bon? À la tête, pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. Qu'est-ce que tu fais? Alors, mon petit mignon, ouais, comment ça va? T'as le poil de rue, dis-moi. Décris-nous, est-ce que c'est gourmand et croquant? Ah bah, croquant, ça lève. Et c'est salé aussi? Non, pas très salé. Je vais en prendre une deuxième, c'est pas si dégueu, en fait. Finalement, il va aimer. Moi, j'aurais bien goûté, je ne peux pas. C'est bien dommage. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Vous m'excusez, je vais faire mes besoins dans la litière. Bah oui, bah maintenant. On va te laver aussi. Voilà, vous adoptez ce régime-là pour la rentrée de snooze? Non, mais si tu veux goûter, on peut l'écraser avec de l'eau. Non, ça ira. Non, mais c'est gentil. T'es sûr? Non, mais ça ira vraiment. Viva for Life, mieux pour choisir la musique ou alors directement ici à la boîte à dons. Est-ce qu'on a récupéré le vinyle? Oui, David Bowie, mais je sais pas quel morceau il faut jouer. Tu veux qu'on écoute quel morceau? Non, mais je sais pas quel morceau il faut jouer. Mais de toute façon, ils vont en demander un, tu vas en mettre un autre. Le titre. Voilà. T'avais demandé quel morceau? The Man Who Sold the World. À 4. Alors, il faut le temps qu'il retrouve où c'est sur le vinyle. Parce que de toute façon, depuis tout à l'heure, il fait n'importe quoi. On l'écoute? Voilà, c'est bien ça. Et voilà, c'est ton morceau. Merci. Et c'est de l'argent qui rentre encore pour Viva for Life. Up on the stairs, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone. and shook his hand. And made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Qui ne s'est pas trompé de morceau, qui ne l'a pas coupé, bravo! Ouais, écoutez, bien sûr. Attention, ça pourrait quand même enchaîner. Mais il est tard, vous savez, il est tard, effectivement, je ne sais même pas quelle heure il est. Quelqu'un à l'heure? Il est 2h30, je crois. 2h30, 2h32 précisément, on est en direct sur la une en télé. 2h33, vous n'avez pas dans le casque, ils sont en train de me faire l'heure en direct. 33 et 5 secondes, on va pas faire ça toute la nuit, hein, ça va être pénible, les gars. On est en direct sur la une en télé, sur vivaforlife.be, et vous continuez à faire vos dons. Et il y a du monde à la boîte aux lettres encore. C'est l'équipe de nuit de Via for Life là, qui est en train de vous rentrer de soirée, les gars. Et vous voulez des croquettes? On va vous amener une bière. C'est gentil, on va éviter. Enfin, quelqu'un en veut une ici dans l'équipe? Est-ce que vous voulez non, des croquettes? Certainement pas. Non, certainement pas. Des croquettes. Certainement pas. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que l'un de vous peut sortir pour aller leur donner des croquettes? Parce que j'ai l'impression qu'ils doivent manger, ces gens, à l'extérieur. Ah, c'était le défi. Alors attention, les croquettes, c'est pas si mauvais, mais ça colle dans les dents, c'est un peu comme le caramel. Et puis après, on a un peu soif. C'est le spécialiste qui parle. Du coup, je vais peut-être accepter cette bière qu'on me tend avec gentillesse, parce que c'est vraiment, ça donne soif, ces croquettes pour Charles. On prend la bière, et on leur donne des croquettes en échange. Exactement. Ils doivent les manger devant la boîte. Chaque côté du pont. Exactement. On continue cette soirée spéciale vinyle. Si vous avez des vieux morceaux que vous avez envie de réécouter, n'hésitez pas, viaforlife.be. Bénédicte, on va s'intéresser à un souvenir à toi dans quelques minutes. T'es d'accord? Ouais, et c'était pas sur vinyle, tes souvenirs? Ben non, écoute, moi, j'ai pas eu la chance d'acheter des vinyles, effectivement. Donc, on va parler du premier single que j'ai acheté, tiens. Justin Bieber. Quand même pas. On va faire le tour ici, toute l'équipe, des souvenirs sur vinyle ou pas d'ailleurs. C'est vrai que dans quelques années, les premiers morceaux que les petits ont achetés, ce sera sur iTunes, quoi. Il n'y aura plus rien dans les mains. C'est vrai. Et ce moment d'émotion est très intense. On va écouter un morceau que vous avez choisi sur viaforlife.be. C'est France Gall qui a été choisi. Les sucettes, c'est Madame Noël de Bruxelles qui a donné 50 euros pour l'écouter. Elle n'est pas au téléphone avec nous, mais elle a mis un petit message. C'est pour toi, Cyril. Je pense fort à toi qui ne mange que du liquide. C'est vrai que tout à l'heure, j'étais en train de faire la réflexion. Juste avant de vous rejoindre ici en studio, j'ai eu droit à un milkshake. Et je disais quand même... À un moment, il y en a marre d'avoir tout le temps le même goût. C'est tout le temps des milkshakes bananes, tout le temps de la soupe. J'ai envie de croquer un truc, quoi. Ah oui. Et on peut pas. On a des croquettes, tu vois. C'est vraiment dommage que le concept fasse qu'on ne puisse pas manger. Ça, c'est. Ouais, sinon, je l'aurais fait avec plaisir, bien sûr. 2h35 et 13 secondes, on me dit. C'est l'heure de passer France Gall, les sucettes. Vous êtes en direct sur viaforlife.be et sur la une. Merci d'être avec nous. Lorsque le sucre d'un jour parfumé De France Gall, ça a été choisi sur viva4life.be. Et faites aussi hein, ce petit geste, ça prend quelques secondes d'aller sur le site. Vous faites un don, vous choisissez la musique qu'on écoute ce soir et des vieux souvenirs si vous avez envie de vous faire plaisir ou si vous préférez quelque chose de plus récent, ça marche aussi, hein, n'hésitez pas. viva4life.be, vous faites un don et comme ça on fait grossir le compteur qu'on découvrira à la sortie de ce cube. C'est mercredi soir, Zazie qui viendra nous sortir dans 64h35 minutes et 51 secondes. Il y a un instant, il y a l'équipe des réseaux sociaux de viva4life qui a débarqué sur la place de la digue et ils ont proposé de faire entrer une boisson. On a dit ok, hashtag croquette, hashtag croquette. On peut la faire rentrer la boisson, mais en échange un défi pour vous, c'est de faire c'est de manger des croquettes. Ah bah oui. Alors Greg est sorti du studio, il est à l'extérieur et il va vous récupérer la boisson, mais il va vous donner en échange des croquettes. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi à l'extérieur, l'équipe de Vivacité? Ils font semblant de ne pas entendre. Oui, c'est ça. Oui, oui, on n'entend pas parce qu'il y a une machine qui est en train de nettoyer la place. D'ailleurs, est-ce que Greg peut se rapprocher de la boîte à dons? Oui, Greg. Oui, je suis en direct de la place de la digue où je me faufile entre les sapins. Et je suis ici dans la faune. J'essaye de me faufiler. Je viens de me faire agresser par une guirlande de Noël. Tant que tu ne te fais pas électrocuter. Oui, et je vais à la rencontre donc des autochtones, leur donner quelques croquettes, quelques mendiants, puisqu'il paraît qu'ici la vie n'est pas toujours facile. Et je vais donc chercher ce petit. Oui, où est donc la boisson? Tendez les mains, les amis. Je vais donc leur donner. Attention, je regarde, ils ont tous l'œil vif, le poil brillant. Je peux donc leur donner les croquettes. Attention, on miaule. Hop là, et attention, et on ne griffe pas son voisin. Voilà, voilà, c'est gentil, merci. On miaule, voilà, on miaule, voilà. On miaule. Miaou. Miaou. Miaou. Attends. Ah, Marcel, il faut les manger. Il faut pas les regarder, il faut les manger. Il y en a qui exagèrent, ils en prennent deux fois. Voilà, je prends et je m'extire. On la donne parce qu'une bière, c'est deux tartines. Donc, une boisson avec des bulles, c'est deux tartines. Et on sent à la voix que l'équipe est très fraîche. Hein. Exactement. Alors, mais tu devrais manger tes croquettes, c'est bon pour la santé, tu grandiras. Non mais attends, il les bouffe réellement lui. Mais bien sûr. C'est l'objectif hein. Est-ce que, et la question que je pose, est-ce que c'est bon? Ah non mais non, on ne mange pas la bouche ouverte. J'ai eu l'occasion de goûter, c'est ça, ça passe. Mais c'est très bon, c'est un chip finalement. Alors on me dit ici que les verres sont bonnes. Voilà, voilà. Ah ben parfait, on va leur donner que des verres, comme ça ils pourront passer la fin de soirée et se reposer. Ils vont digérer les croquettes dans les chambres d'hôtel autour, je pense que ça leur fera du bien. Greg, ne rentre pas tout de suite. Oui, d'accord, oui. Il y a ce qu'on appelle une espèce de motocrotte. Je dois aller sur les genoux, c'est ça si tu peux prendre le contrôle de cette machine particulière qui est en train de nettoyer la place de la digue. Vas-y en live. Fais du stop. Je sais pas si monsieur va être d'accord. Mais hein. Fais un jacking. Alors si je peux confier les croquettes à quelqu'un, voilà. Très important. Je confie les croquettes. Voilà. Ne les mangez pas toutes parce qu'on en a besoin pour Cubi. Hein. Oui, et alors je vais pas prendre de bière puisque c'est interdit de conduire au volant des motocrottes. je vais essayer. Mais, c'est j'ai direct. L'impression que le monsieur n'est pas commode hein, quand mais même. Il s'en va, mais tu vas. La voiture s'en va, dépêche-toi. Il est à fond. Il est quand même. Oui, mais on ne m'entend plus du tout. Il est en train de courir pour essayer de rattraper la motocrotte. Excusez-moi, vous êtes en direct à la télévision, dis Lucien. On me demande si je peux monter pour faire un petit tour. Ouais. Double Bonneteux. Non, moi. Hey, c'est qui la star ici? Oh. Il y a des gens qui s'invitent. Non mais. Alors monsieur, est-ce que je peux monter dans votre tracteur? Comment dans votre nettoyeur dans votre... C'est quoi votre prénom? Fabio. Fabio, est-ce que je peux monter avec vous juste pour faire un petit tour de la place? Oui, allez, c'est parti. C'est magnifique, merci Fabio. C'est à suivre c'est bon, en c'est télé bon, et c'est Life Center. Ah mais je veux bien, oui. Est-ce qu'on peut lui mettre une musique est-ce de manège? Est-ce que c'est dangereux? Alors, ce serait pas un mal. Un truc de manège, là, ce serait sympa. Fabio Esport, je peux conduire la voiture. Alors, il va falloir trouver la floche maintenant, Greg. Oui. Alors... J'essaie déjà de trouver le frein. C'est un espèce de tracteur qui est en train de tirer une poubelle et avec des brosses qui sont là pour ramasser tous les déchets qu'il y a sur la place de la digue. Ça, alors, c'est le volant. Ça, alors, c'est l'accélérateur. Voilà. Et Greg est en train de s'installer. On veut la tenue fluo pour Greg aussi. J'ai trouvé le klaxon. Donc ça, c'est l'accélérateur. Ouais. Attention, c'est super. Attention, c'est parti. Petit tour okay. En direct. Le salon, on va faire la. Et ça, c'est le frein, il est où le frein? On n'appuie pas sur le frein, c'est toujours tout droit, c'est parti. Vu la vitesse de la machine, ça doit pas être très important. Ça, c'est le frein, ok. Eh bah, ben, c'est parti. Sensation forte. Vous m'entendez, les gars? Ouais, on t'entend. Est-ce que c'est confortable? Ah oui, c'est pas mal. Alors. Il y a un GPS? Oui, non, mais apparemment, il y a une marche arrière. Alors, voilà. Greg. Alors, si on pouvait lancer une petite musique. Est-ce que tu peux revenir vers le studio? Oui, je peux faire ça, je veux faire ça. Reviens vers nous, comme ça on va t'accueillir avec la motocrotte face au studio. Et alors tu fais un frein à main. Alors vous ne croyez pas si bien dire, le seul frein est un frein à main. Ah oui, carrément. Ben voilà. Et comme c'est la main avec laquelle je conduis, n'oublie pas il va y avoir un problème. Par contre, quand tu arrives dans le studio, ne démonte pas tout. Est-ce que je peux aller juste un petit peu plus loin? On me demande. Fabio me l'accorde. Parfait. Fabio a peur que tu partes avec sa motocrotte. J'ai l'impression d'être Keanu Reeves dans Speed. Ça avance à peu près à 2 à l'heure, c'est-à-dire que. Oui, mais bon, c'est parce que je maîtrise mon élément. Mets-toi bien face au studio. Vas-y, viens te mettre juste devant. Et n'oublie pas de freiner, bien voilà. Sûr. Oh, voilà. Qu'est-ce que ça te va voilà. Bien. Et on pense à Sébastien et Sarah qui viennent d'être réveillés par ton coup de klaxon. Merci pour eux qui sont en train de dormir. Bravo, Greg. Défi relevé merci par les l'équipe amis. Merci réseaux sociaux de Via for Life et par Greg. C'était agréable ce petit tour. C'était très très bien. Franchement, je me sens un nouvel homme. Eh ben, on aura réalisé un de tes vœux probablement. Qui n'a pas rêvé de conduire une machine comme ça? Bah, moi. On va faire un tour, tiens, des petits rêves tout simples qu'on peut avoir. Moi j'en ai un, j'adorerais un jour aller dans un fast-food et juste faire un burger. C'est pas vrai. C'est un petit truc à la con. C'est bizarre, vous, c'est ça. On va faire un petit tour des petits rêves à la con qu'on peut avoir dans un instant. Et pendant ça, là, vous continuez à choisir la musique et si possible, des vieux souvenirs, quelque chose qui vous parle. Viva4Life.be, vous faites un don et on écoute la chanson que vous avez sélectionnée. C'est 40 euros qui rentrent dans la cagnotte de Viva4Life grâce à Alison de Tournai qui a demandé d'écouter Paris Latino pour sa maman espagnole. Bisous, Alison. Merci pour le don. On dit besos, Alison. Paris Latino qui a été choisi sur viva4life.be. N'hésitez pas à faire pareil. Dans un instant, on va aller du côté de la boîte aux lettres. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur. Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre si vous avez un vinyle à nous faire écouter ce soir. On va faire le tour de toute l'équipe qui est autour de la table. Et alors, il y a un instant, je parlais d'un rêve, des petits rêves à la con qu'on peut avoir quand on est petit. Et encore maintenant, par exemple, moi, je vous l'ai dit, j'adorerais être dans un fast-food et juste faire des burgers. Je sais, c'est un truc, c'est stupide, hein, mais j'aimerais bien ça. Et alors, opérateur dans un parc d'attractions, vous savez, juste pour lancer les gens. C'est stupide comme rêve. Mais par exemple, Sylvestre de Fontaine, toi, moi, j'ai toujours eu des rêves un peu simples. Depuis que je suis tout jeune, j'aimerais bien être enfermé dans une bibliothèque et pouvoir lire toute la journée. Oh, oh là là, c'est pas mal. On y croit. Ouais. Depuis l'âge de 4-5 ans. Carrément. Ouais. Et une bibliothèque scientifique de préférence. voilà. Sinon, j'aimerais bien chanter en duo avec Katy Perry. Ah bah, ce qu'on va faire, oui, c'est qu'on va préparer un Katy Perry. Et tu chantes en duo avec la bonne idée. Oh, la bonne idée. Le mec, il se met tout seul mais dedans. Bien joué, mais alors là. Walid qui est avec nous aussi cette nuit, un rêve tout bête. Alors, tout bête, non. Hein. Le rêve qu'on souhaite tous, c'est forcément qu'il n'y ait plus de misère au niveau de l'enfance. Ça, c'est sérieux. Mais à côté de ça, quand j'étais gamin, je voulais être videur de boîte. C'est ça que je voulais dire aux gens. Tu rentres pas, toi. Je sais pas pourquoi. On sent que t'as morflé. Non, j'ai pas morflé. Je suis toujours rentré. Et je prenais des baskets systématiquement. Mais là, pour le coup, je me dis, je vengerai tous ceux qui n'ont pas pu rentrer un jour en basket. Non, j'ai jamais Walid, il n'y aura personne dans la boîte. Juste pour le kiff de refuser tout le monde, la soirée ne marchera pas. Non, c'est vrai, tu peux pas, c'est soirée privée. T'as pas de carte, c'est pas grave. Et le patron qui vient vous voir à 80h, il n'y a toujours personne. C'est normal, la soirée ne marche pas, monsieur. Et Greg, toi, un rêve tout bête. J'aimerais être une femme. C'est vrai? Oui, t'as déjà les cheveux, là, c'est pas mal. Et là, le malaise s'installe. Non, j'aurais adoré. Comme si ta mûre sort de ce corps. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être une femme? Non, pas du tout. J'aurais surtout être un footballeur professionnel. C'est vrai? Un footballeur professionnel, ouais, j'aurais adoré. Mais je suis trop vieux, alors maintenant je vais devenir un entraîneur professionnel. Tu sais que tout à l'heure, le Sporting de Charleroi est venu ici. L'équipe du Sporting a remis un chèque de 10 000 euros. On a fait un petit match et juste avant, il y a eu l'entraînement avec le préparateur physique. Donc, comme tu veux être footballeur professionnel, je propose que tu t'installes juste à côté de la table. Vas-y, fais-le en live, lève-toi et tu vas refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure en direct avec le préparateur physique, d'accord? Mais attention, il faudrait comme entouré par des professionnels. Gaffe, ça s'appelle des pompes, Greg. Oui, ça se limite à des fentes et des pompes. Mais il va enlever ses chaussures, c'est ce qu'il va faire en fait. Alors, mets-toi en position de gainage. Ouh, c'est chaud ça. Le gainage, fais attention, t'es casqué là. Débranche le. Ah bah non, tu peux le faire avec le casque, y a pas de problème. Qu'entendez-vous par gainage, jeune homme? Mets-toi en position pompage. Pompage. Est-ce que tu veux que je chronomètre? Ah, je pensais que tu allais proposer autre chose à propos de. Désolé, esprit mal tourné en pleine nuit. Est-ce que tu veux que je me mette aussi en position pompage? Donc ça ira. Sous Greg. Je quitte le projet. Ceci dit, ça pourrait peut-être motiver. Et ça te permettrait de faire un don. Greg, position pompage. Et tout à l'heure, il a fallu faire 10 pompes. Est-ce que tu es prêt? Non, mais des vrais, hein. 3, 4, 5. 2, non, on était à 2 là. On était à 2. Non, on a 3. 4. 1. 3. Non, on était à 4. Oh, on n'a pas tout vu. Les 10 en fait. Non, on n'a pas tout vu. Continue. C'est pour les enfants. Tu n'as pas fait de voix. Tu es un rock. Toi qui rêvais d'être une femme, te voilà Véronique ou Davina, tu choisis. Vas-y Bénédicte, rajoute-lui un petit peu d'effort. Bénédicte, il est en train d'appuyer sur son dos. Pour ceux qui sont en train de simplement nous écouter à la radio. Ça c'était le rêve de Bénédicte à mon avis. Marcher sur Greg. Greg, tu avais une chemise blanche. Tu as une magnifique trace de pas. Bénédicte, ton rêve à toi, un rêve tout bête. Tout bête, alors moi j'aimerais bien prendre être une femme aussi. Dans deux mois j'aimerais bien prendre un bain de chocolat. Un bain de chocolat. Eh ben, ouais. Il suffit de le demander. Ouais, ouais, un bah bon ouais, bain de chocolat. Mais comme je suis gourmande, je que l'on fasse entrer la baignoire. Je suis heureuse. Hein. Mais au moins, quand t'es dans un bain de chocolat, tu dois pas, t'as pas besoin d'évacuation, quoi. Tu... Non, mais sérieux, un bain de chocolat. Tu aspires tout. Ça peut être du CCML ou pas? Non. Ah non, non, du vrai chocolat, quoi. Ouais, ouais. Fondu, ouais, ouais. Ça a coûté cher. Ça. Et ça doit être chaud, par contre, s'il est fondu, quand même. Ouais. Tu dois rentrer dans du chocolat chaud. Ouais. Ça doit être intéressant. Après, ça fige. Ben oui. C'est comme ça que sont faits les chocolats de Noël. C'est très bon pour la peau, hein. Oui, c'est très bon pour la peau. Mais je suis pas certaine, comme je suis gourmande, qu'il y en aura encore beaucoup qui restent. C'est original comme rêve. Ouais. Difficile ouais. à réaliser, je pense. Mais non, pas difficile. Non, t'as l'assaut. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Qui l'ont fait par avec la caisse. Appelons Mathilde pour savoir si à Quiberon ils font ce genre de soins. Comme ça, on pourra voir si là-bas tu peux éventuellement y aller. On va aller à la boîte aux lettres tout de suite avec un monsieur qui attend depuis longtemps. Désolé. Bonsoir, quel est votre prénom? Étienne. Étienne. Étienne. Je vais aller chercher son vinyle. Tiens-le bien. Il y a du vinyle. Sylvestre, tu vas à la boîte à dons. Vous faites un don. Vous mettez combien dans l'urne? 20 euros, c'est super gentil. Merci beaucoup pour les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Votre prénom Wallonie, c'est Étienne. Ah, Étienne. La chanson, il se souvient plus de son prénom. Ouais, c'est bon, le micro fonctionne. Il va falloir cadrer un tout petit peu là, Étienne, parce que moi j'ai jamais entendu parler de ça. Quoi, ça s'appelle Ramaya. Ah si, Ramaya. Ah c'est ça. Oui, non, mais ça vous évoque quoi, Étienne? C'est ça, c'est Ramaya, ouais. Je voudrais appeler lui pour réveiller. Félicitons la régie qui réagit avec une demi-heure de retard. Étienne, c'était il y a 10 minutes qu'on en parlait. Merci les gars. Étienne, pourquoi cette chanson? En pleine nuit pour se réveiller. Ah bah c'est très bien, on va l'écouter dans un instant. Merci d'être passé nous voir à la place de la digue. On l'écoute tout de suite. Walid, c'est bon, tu as compris comment ça fonctionnait? Oui, je pense. cette nuit dans Viva for Life, à suivre en direct sur la ligne en télé sur vivaforlife.be avec un excellent choix quand même. Ramaya, c'est ça, hein? Afrique Simone. Ouais. Un gros coup. C'est un énorme souvenir. Non, c'est une nouveauté. Grâce à Étienne qui est venu jusqu'à la boîte à dons cette nuit. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Étienne. C'était très bien. Sylvestre de Fontaine a tout à l'heure expliqué qu'il avait un rêve, chanter un duo avec Katy Perry. Alors on fait appel à vous. Non, mais c'était une blague. Non, mais. Si on fait pas de blague, on prend tout à la lettre, monsieur. Ce sera une blague quand tu vas chanter, on va se marrer, j'ai l'impression. Si vous avez envie d'écouter Katy Perry, Firework, parce que c'est sur ce morceau-là que t'as envie de chanter. Bon, écoutez, celui-là ou un autre. Vous, n'hésitez pas. Allez-y, faites un don. Viaforlife.be, sélectionnez Katy Perry, Firework. Et tout à l'heure, Sylvestre de Fontaine chantera en live le duo avec Katy Perry. Non, je massacrerai en live Katy Perry. On se fera ça dans un instant. Walid. Il y a personne qui veut écouter les snorkies? J'ai encore tous mes vidéos là-bas. On est juste trois autour de la table à connaître ça. Plus personne ne connaît les snorkies. Mais justement, il faut leur mettre ça au goût du jour. Il y a encore quelqu'un qui touche des droits de la SABAM? Moi. C'est dans le domaine public, justement, ça ira. Voilà. Il y a du Jacques Brel, il y a du Barry White. On a joué tout à l'heure de la SABAM, donc il en reste quelques-uns. Rendez-vous sur. Est-ce que tu peux juste t'asseoir? Parce qu'en télé, il paraît qu'on ne te voit pas, tu es trop grand. Tu as mangé trop de soupe quand tu étais petit. Et pas des croquettes. On rappelle donc les vinyles que tu as portés et que les gens peuvent sélectionner. C'est un grand concours. Il faut choisir les morceaux de Walid. Rendez-vous sur vivaforlife.be et vous choisissez parmi les différents vinyles. Donc on avait les Snorkies. On avait Barry White, on avait du Bob Sinclair, on avait Jacques Brel. Il y avait Donna Summer qui a déjà été choisi. Flashdance, Patrick Coutin. Ouais. Et alors il en reste un. Ouais, je sais plus. Numéro complémentaire est. C'est le maillon faible. Sinon, on va jusque là-bas, c'est pas si loin que ça. Ah, sinon, il y en avait un que j'aimais bien aussi. Non, mais ça suffit maintenant, Walid. Ouais. Non. Ça fait 4 heures que je suis ici, j'en ai pas encore passé un. Non, mais ça suffit. Allez-y, je vais sélectionner ces morceaux sur vivaforlife.be. Faites vos dons. On revient juste après les infos de 3 heures. Viva for Life, avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Il est 3h. Michael Menten avec vous, bonsoir. Une soirée mouvementée à Bruxelles. Deux individus ont été interpellés dans la soirée lors d'une perquisition menée dans le quartier de Dansaert. Deux frères ont été emmenés pour être auditionnés. Selon le parquet, l'opération était liée à l'enquête sur les attentats de Paris, mais Salah Abdeslam n'en était pas la cible. Et c'est un journal allemand qui l'a révélé ce dimanche. Le groupe terroriste État islamique a volé des dizaines de milliers de passeports en Syrie, Irak et Libye. Selon des services de renseignement occidentaux, l'EI revend ses passeports sur le marché noir, où les prix se négocient entre 1000 et 1500 euros. Mais les Occidentaux redoutent également que les djihadistes utilisent les documents pour entrer illégalement en Europe. La victoire de la droite en Espagne, les conservateurs du Parti populaire ont remporté les élections législatives avec 28,7% des suffrages. Cela dit, le parti au pouvoir perd sa majorité absolue. Le Parti socialiste arrive deuxième avec 22,2%. Il est suivi de la gauche radicale Podemos qui dépasse la barre des 20%. On votait également en Slovénie ce dimanche un référendum oui ou non au mariage homosexuel. Eh bien c'est le non qui l'a emporté. 60% des Slovènes ont rejeté la loi autorisant le mariage gay adoptée par leurs députés en mars dernier. La Slovénie était le premier pays de l'ex-bloc communiste à avoir ouvert le mariage aux couples homosexuels. En sport, football, suite et fin de la 20e journée de championnat. 3 matchs étaient au programme ce dimanche. La Gantoise a battu Courtrai 3-0. Défaite du Standard à Ostende 4-1. Et puis Anderlecht est allé battre le club de Bruges. Score final 1-4. Merci de nous écouter. Chez les Maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. Avec Cyril. Et je suis loin d'être tout seul cette nuit autour de la table dans ce studio de verre. Il y a Bénédicte Depré. Hey. Ça va bien? Ouais. Fin de soirée. Il reste 3 heures, Bénédicte. Courage. T'as l'habitude des horaires un peu compliqués. Ah oui, la matinale hein, sur Pure FM. Snooze avec Greg Garrett qui a ma droite. Ça fait quelques mois que vous bossez ensemble, vous entendez toujours bien? Oui. Parce que quand on fait une matinale, c'est pas évident parce qu'on se voit juste avec les gueules qui ressemblent à rien le matin. Ah, surtout la sienne. Ce qui est difficile, c'est la laine. C'est vrai qu'il est. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé le matin de vous dire non, sérieusement, ce matin, tu pues de la gueule? Ah, mais tout le temps. Eh ben, pour l'instant, non. Non. Mais quand même. Enfin, ils sont à 3 mètres l'un de l'autre aussi. Bon. Non, quand même, un jour, j'ai dû dire à Bénédicte, écoute, ce serait bien que tu me regardes quand tu parles. Tu sais juste qu'elle était fou. Et moi, j'ai dû lui dire, ce serait bien que tu mettes ton t-shirt à l'endroit. Faux. C'est juste un t-shirt de créateur. Vous avez déjà eu des pannes de réveil? Pas encore, Walid, on a même animé une matinale ensemble pendant un an. Oui, c'est vrai. Est-ce que je me souviens, est-ce que t'étais en retard? Je sais que les réunions t'arrivaient toujours en retard, mais. Oui, ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est dire. Le synonyme de Walid, c'est retard. C'est ça. Mais oui. Une fois, je me suis réveillé tard, mais je suis arrivé à 6h pile. Ah bah ça va. Mais j'avais pas déjeuné, j'avais rien préparé, rien fait. T'étais en pyjama, et il ne met pas de pyjama pour dormir, c'était très gênant en ce moment. C'est ça, ouais, c'est vrai, je m'en souviens encore. Mais on faisait de la radio, donc ça va. Bah oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la radio évolue à l'époque. Ouais, il n'y avait pas de caméra. À l'époque, mon monsieur. Sylvestre de Fontaine est là aussi avec nous, comment ça va? Salut Cyril, ça va bien? Et on te retrouve quand, toi, sur Moi, je suis un nocturne, donc voilà, je suis dans mon élément. Moi, midi, 13h. Bah oui, la nuit. C'est nouveau depuis septembre, mais généralement je faisais quand même le 22h minuit, donc je me levais pas avant bon midi, 13h, quelque chose comme ça. Non, c'est pas vrai, je me lève à 9h. C'est très intéressant, merci pour cette info. Mais vous voulez savoir des trucs un peu techniques sur la radio? Je sens vous apprendre des trucs. Techniquement parlant, moi c'est entre 16h et 17h30 sur la première. Voilà, enfin je dis juste. Mais je vous écoute parfois, presque sérieux. C'est presque sérieux. Ouais. C'est presque drôle. Et alors, quand je parlais de retard de Walid, ce qui est drôle, c'est que les studios de la première sont en face de ceux de Vivacité à Bruxelles. Et ça arrive très régulièrement, parce que moi je suis sur le 5 à 7. Oui. Et je traîne dans le couloir devant. Et je vois Walid qui court. Il y a déjà le générique de son émission qui est à l'antenne. Non, et je vois courir en fait, derrière tout. Salut, je suis en retard. Ça m'est déjà arrivé de dire. Les 16h! Je jure, parce que j'arrivais à 59-59. Sans vouloir balancer, Sylvestre commence à midi, on est tous dans le même bureau, et de temps en temps, on regarde tous le chrono en même temps, et là, Sylvestre est tranquille devant son ordi, et il est 11h59. Et là, Sylvestre, je pense que tu dois y aller. Et là, comme réponse, ah oui. Et généralement je dis il reste une minute, donc tranquille. Mais non, c'est vrai, pour les tops il faut arriver vraiment pour les tops. Oui, la force tranquille. Et alors ne surtout jamais courir. Non, parce que ça c'est le piège. Après t'es. On pense que. Mais faisons le test. Eh ben je vous dis, il y a une technique. Walid. Parce qu'en fait la technique c'est que en règle générale, en radio, on vous apprend à respirer avec le ventre. Ouais. Et donc, il faut juste respirer avec le ventre et pas. Alors qu'il faut respirer avec le nez, c'est complètement con. Ah ouais. Voilà. Mais alors, on va faire courir Walid. Il va faire la démo dans un instant. Il va faire la démo. Il va te montrer. Il y a Carl qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Carl. Ouais, bonsoir. Vous passez une bonne nuit avec nous? Effectivement. Ouais, effectivement, c'est un ni oui ni non. Carl, vous habitez Binche? Tout à fait. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Carl? Ni oui ni non. Perdu là du coup. Pourquoi vous avez choisi un morceau? Il y a un message que vous avez envie de faire passer ce soir? Écoutez, j'étais encore hier Place de la République. À Paris? Paris. Et pour nos enfants, il faut faire passer ce message que la vie passe avant tout, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon. On est ici, on se mobilise. La vie ne s'arrête pas. J'étais à Paris, j'étais en terrasse, j'étais partout, j'étais à Montparnasse, j'étais un peu partout dans le 5e, 10e, partout. Et les gens ont envie de vivre. Et il faut donner à nos enfants l'envie de vivre également, quoi. Et il faut les aider à vivre correctement. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Exactement. Oui, bien sûr, évidemment, quoi. J'ai vu aussi beaucoup de misère dans Paris, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tout n'est pas rose. Hein. C'est vrai que là, on se concentre sur Bruxelles et sur la Wallonie, mais c'est effectivement étendu à plusieurs pays. Alors, on peut pas faire un Viva for Life mondial, malheureusement. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je sais. Voilà, j'ai passé un week-end là-bas, j'ai vu de belles choses, j'ai vu de moins belles choses. Et ici, moi, dans mon quotidien, en tant que dans ma vie professionnelle, je vois beaucoup de misère. Je suis accompagnateur de train. D'accord. Et je vois beaucoup de misère. Et comme ça vous touche, vous avez décidé... Je ferme les yeux... J'ai pas envie d'appliquer le règlement, quoi. Bah hein, c'est 7 ça. Euros de plus pour un trajet à 2 euros, non. Moi, je dis non, quoi. Il y avait l'abbé Pierre qui disait la misère n'est pas une fatalité. Elle vient de notre capacité. Ouais. Elle vient de c'est difficile à lire sur le téléphone, c'est écrit petit. Elle vient de notre capacité à penser le partage. Effectivement, vous partagez et vous avez décidé de partager votre musique avec nous. C'est quoi le morceau que vous avez décidé de partager avec nous? La Bachung. Voilà, eh bien, on va écouter la Bachung. Président de la République, voilà. Merci pour votre don. 20 euros. Et Walid. Oui. Walid. Oui. Un petit message à Walid. Oui. Il vous entend. L'année passée. Oui. C'était Tropique. J'étais Tropique. Et tu m'as traité de ringard. J'étais Tropique et je vous ai traité de ringard. Oui. Je me souviens plus. Tropique au compteur. Sans pas le botteur. Ben évidemment. Ah voilà. Muriel Dac. Muriel Dac, Tropique. Référence. J'ai dit ringard à tout le monde. À lui-même aussi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci, Carl. Le tout, c'est d'apporter un peu de chaleur dans le cœur de tout le monde. Effectivement, quoi. Vous allez nous en apporter avec ce magnifique morceau d'Alain Bachung. Exactement. Qui est tout sauf ringard. Viva for life. Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République. Le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République. Des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, pas, pas, pas, pas, je sais pas. Je te parlerai moins. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait. À peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République. Où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République. Chérie, de la République d'Alain Bashung qui a été choisi sur viveforlife.be. Vous aussi faites vos dons, on compte sur vous tout au long de la nuit et tout au long de ces 64 heures et une minute qu'il faut encore passer ensemble enfermés dans ce cube. Vous faites vos dons et puis ça aide les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. Dans un instant, nous allons faire chanter Sylvestre de Fontaine puisqu'il voulait faire un duo avec Katy Perry. Je me dis, ils l'ont oublié. Pas du tout. Personne n'a envie d'entendre ça. Alors, on a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu peux juste, pour que les gens aient envie de choisir Katy Perry Firework, nous donner un petit avant-goût en a cappella? Ah ouais, mais attendez, il faut que je retrouve les paroles parce qu'en fait, j'ai dit Katy Perry, mais Katy Perry, je voulais faire. Voilà, ouais. Très bien, ça donne envie. Comme ça. Et en fait, c'était juste. Je l'aurais laissé chanter si elle m'avait proposé un duo. Eh bien, on va quand même l'organiser, ce duo. Walid doit aussi réaliser un défi, puisque. Oui, elle va venir, carrément. Walid a dit qu'on pouvait courir et faire de la radio en même temps. On verra ça dans un petit instant. J'ai dit ça. Tu as dit qu'on pouvait courir et que tu avais une technique pour ne pas être essoufflé. Et c'est respirer vrai. Au niveau des pieds. Non, du ventre. Du ventre. Non, je te promets, il y a un truc, c'est que tu arrêtes, tu coupes ton. Respiration, tu fais. Regarde. Vas-y, mais cours. Non, mais tu peux faire du sur place. On fait le test. Vas-y. Sylvestre, vas-y. C'est parti. Sylvestre et Wally sont en train de courir. Vous pouvez voir ça en direct sur la une en télé. Attention, t'es prêt? 3, 2, 1. Oh, mais ça, c'est pas de la course. oui, effectivement, ça marche. Ouais. Ça marche. Ouais. Oui, je suis pas du tout essoufflé. Ça passe nickel. Greg et Eric de Pure FM. Ça marche. Essayez, Cyril, essayez. Je vous ai vu courir à l'envers. Il est 16h. Voilà. Alors, moi aussi, j'ai un défi ce soir, c'est de pouvoir passer un disque. Ce qui est pas évident. Parce que j'en ai quand même ramené plus ou moins 47. Mais on a quelqu'un qui est venu et qui en a proposé un. Et on va lui demander de se présenter. Monsieur se cache derrière le. C'est Bruno. Ah voilà, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, c'est Bruno. Oui. Bruno, bienvenue. Bruno décembre, hein, puisqu'on est en décembre. Bah, oui. Dans ma tête, ça donnait bien cette vanne, mais en vrai, pas du tout. Quoi, en rapport à Bruno Mars, en fait. Mais. Ouf. Ouh, yaya. Voilà. Ouais. Ça marchait mieux en novembre, parce que c'est Je quitte le projet. Ça aurait été bien qu'il passe un Ophélie Winter, non? Enfin. On va arrêter hein, de oui. partir là-dessus. Bruno, tu as fait un don et tu as apporté un vinyle? Oui. C'est quoi? C'est. Bah non. C'est Machiavel. Machiavel. Déjà. C'est bien ça. On l'a récupéré. Il est déjà oui, prêt. Il est prêt. Walid. Oui, il est déjà là. Il ne manque plus qu'à. Il ne manque plus qu'à Walid de se casser. Tu as mis combien dans la boîte à dons pour pouvoir l'écouter? Oh, 30 euros. 30 euros. Merci beaucoup. I can see some men walking in town, and I can hear them talking just like fools. I can see some men walking in town, and I can hear them talking just like fools. And they just walk in their dreams, and they just go with the stream. But they better look at what's real, so they will see over. C'est agréable ce petit bruit, hein, ce petit grésillement sur le vinyle. C'est un morceau qui nous a été demandé par Bruno, qui nous l'a apporté carrément. Vous pouvez faire ça aussi, hein, venir sur la place de la digue, vous faites un petit don dans la boîte aux lettres et on passe le vinyle que vous nous apportez en pleine nuit. Faites-vous plaisir. Ça marche aussi sur viaforlife.be. Vous choisissez la musique que vous avez envie de partager. Oui, la voix. Bonjour, ça faisait longtemps. La voix qui vient toutes les nuits. Qui relève des, qui propose des défis. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette voix? Qu'est-ce qui, on lui a. Alors la voix, c'est coincé. En fait, c'est une histoire de porte. Ouais, c'est ça. Courant d'air, ça a claqué, clac, ça a coincé le paquet et la voix, une petite voix du coup. Maintenant. Et c'est de. Je suis la voix. Ah. Qu'est-ce qui se passe la voix? Je ne suis pas invitée là, je me sens pas bien. Pourquoi vous n'êtes pas invitée? Vous m'avez pas invitée à venir à l'antenne et. Mais j'avais la paix pendant une heure en fait, hein, pour pas vous mentir. Mais pour vous faire pardonner, il y a un petit défi. Qu'est-ce que c'est encore? Hier, j'ai quand même terminé avec une perruque orange, une robe et en courant en marche arrière autour du studio. Oui, mais là, vous vous êtes moqué des techniciens tout à l'heure de la régie. C'est vrai, moi je m'en souviens, oui, ouais. C'est vrai. Honte sur vous, Cyril, ouais. Vous allez devoir à un moment donné payer et ça. Et encore, il n'entend pas ce qu'il dit en antenne. C'est vrai. Si vous saviez ce qu'il avait dit, la voix. Oh, là, merci, Walid. Mais je sens ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on parle de Étienne. C'est pas vrai, vous avez pas dit ça. Après, vous avez mis l'extrait. Mais on n'arrête pas d'insister ici pour vous lancer un petit défi, c'est-à-dire retrouver un son le plus rapidement possible dans toute la vague de données. Ouais, ben ça, j'ai pas confiance, les gars, parce que vous allez mettre un truc qui est pas dedans, vous avez vérifié. Mais je vais laisser Walid choisir le son. Ah. Alors, c'est pas mieux. Je vais chercher. Alors, attendez. Un you-you. D'accord, mais stop, ne cherche pas. Non, c'est voir les mains en l'air. Voilà, les mains en l'air. Tout le monde les mains en l'air. Attention. You-you. On va compter. Mais you-you, c'est quoi? Un you-you, c'est. Ça s'écrit comment? Vous débrouillez. Le rire s'indique de la voix. Alors attention. On va compter jusque 10. Attends, Walid. Ah oui, parce que vous l'effacez. On va compter jusque 10. C'est ça. À 10, si Cyril n'a pas trouvé le son. Oui. Walid, tu choisis un gage. Ah, alors là. Ça sent la croquette. Non. Je suis sûr, je n'ai pas confiance en cette équipe. Je suis sûr que vous êtes en train de tout supprimer de la base de données. J'avais au départ pensé à que vous mettiez votre langue dans le ventilateur. J'en ai cassé un déjà hier. Ce sera plus soft. Alors attention, on y va. Oui. 3, 2, 1, cherchez. You-you. 1, 2, alors, 3. Attendez, mais déjà l'affichage change. 4, 5. 6. Bah, comment ça s'écrit cette merde? Bah, M-E-R-D-E. C'est un cri traditionnel. 9. Mais ça marche pas, y a pas. 9,5. Je trouverai pas. 9,6. C'est dans quoi? Donc quoi est-ce que je peux trouver ça? 9,7. Vous qui utilisez aussi le programme tous autour de la table. Dans séquence. Non, moi j'ai un réalisateur. Je suis dans séquence. Ah oui. Ah, you. Habillage. Et c'est fini. Et voilà, c'est fini. Oh là là là. Bon, je m'en vais, Walid. Je reviens dans. Et la régie. Un quart d'heure. La régie. Ah bah parfait. La voix. Vous avez 10 secondes pour le trouver vous aussi. 1. Ok, c'est parti. 2. 3. Non, on peut compter un peu plus. 4. Non, 5. Attendez. On va recompter avec la voix. Alors attention, vous êtes prêts? Oui. 1. 2. Non, attendez, on était à 1. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah non, ça c'est du yodel. Ça c'est du yodel. Vous avez perdu, Cyril, c'est tout. Ne cherchez pas d'excuses. Je devrais en avoir un normalement. Hein, si ça se passe. Bah sinon, tu le fais, Walid. Attendez, normalement, je devrais l'avoir. Tu sais le faire? Rigoler ou pas? Attendez, hop. Alors, ça ne fonctionne pas. Mais sinon, fais-le en live. C'est. Un truc comme ça. C'est très bien. Ah non, c'est. C'est une très belle musique d'ascenseur. Oui, mais je vais trouver un gage, je vous inquiétez pas. Walid est aussi fort avec un iPhone qu'avec une iPad. Ah, le téléphone a sonné. Il y a quelqu'un avec nous au téléphone, allô, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour, parce que. Quel est votre prénom? Bernard, j'ai vu qu'en choisissant un morceau, vous avez en plus tranché sur le bonjour ou bonsoir à 3h22. Que faut-il dire? Mais oui, après minuit, on dit bonjour normalement. D'accord, et eh ben maintenant on est d'accord. On sait qu'il faut dire bonjour dans cette émission. Mais bon, vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous. Hein. Walid qui se fait plaisir. À tout moment, Walid, quand tu as envie d'écouter un morceau, tu mets. Il n'y a pas de problème. C'est ma voiture. Non, mais le temps, on sait juste combien. Bernard, quel morceau vous avez choisi d'écouter ce soir? J'avais proposé It's a Sin des Pet Shop Boys. Eh bien, on va l'écouter, It's a Sin. Vous avez mis combien dans la cagnotte? J'ai mis 50 euros. Merci beaucoup. On ajoute ça pour les enfants. 1 sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Merci beaucoup, Bernard. Un petit message tant que vous êtes là? On a déjà eu l'occasion de se parler. Ce qui est privé, laisse le privé. Hein. Si c'était en boîte, non, dans le 5 à 7. Sur quoi, Bernard? Dans le 5 à 7, sur Astérix. Ah, vous êtes un fan d'Astérix, vous aviez gagné la BD avant tout le monde. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous l'avez reçu entre-temps? Parce que je sais que ça, ça avait traîné un petit peu. Vous l'avez? Oui, il y a une quinzaine de jours. Voilà. D'accord. Donc Bernard, il a gagné avant tout le monde, mais il a reçu après tout le monde. C'est pareil. Bernard, on vous embrasse. Passez une bonne soirée. Merci, à bientôt. Les Pet Shop Boys qui a été choisi sur viaforlife.be. Vous aussi, on compte sur vous pour faire vos dons, pour nous rejoindre tout au long de la nuit sur la une en télé sur viaforlife.be. Vous donnez quelques euros, on écoute le morceau que vous avez envie d'écouter ou que vous nous amenez ici à la place de la digue avec un papa et son fiston qui sont à la boîte aux lettres. Bonsoir, bonjour, comment ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Romain. Romain, dis donc, 3h27, pourquoi t'es pas au lit? Parce qu'il n'y a pas école. Non. Qui... Hein, Romain? Romain, dis donc. T'étais pas fatigué? Non. Non, mais c'est bien. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, et tu accompagnes papa en sortie ce soir à Charleroi? Oui. Oui. Vous venez d'où, là, tous les deux? Comment il s'appelle, papa? Stéphane. Stéphane, d'accord. Et Stéphane, et toi, vous venez d'où, alors? Moi, je suis de, on est de Famurut, sur la commune de Senef. Ok, et ce soir, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la place de la digue? Ben oui, mais je suis nocturne, ensemble je travaille de nuit, et ce week-end, je ne travaille pas de nuit. Ah ouais, du coup, forcément, tu t'es éveillé parce que t'es dans le rythme. Voilà. Bénédicte et Greg, vous avez le même problème en faisant la matinale sur Pure FM. Ah bah là, c'est plus ou moins l'heure à laquelle on se lève. Voilà. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Ça pique un peu les yeux? Ouais, il nous reste une heure à dormir, là, d'habitude. On a beau être matinal, on a mal. Alors que Sylvestre, lui, se lève à 11h59 pour son émission à midi. À peu près, mais je me lève avant, je prépare, puis je me recouche. Contrairement à Walid, qui, lui, se lève à 16h30 pour son émission à 16h. C'est vrai. Non, moi, je suis insomniaque, moi. C'est vrai? Ouais. Combien d'heures par nuit? Je dors 2 heures. En moyenne. Ah oui, c'est bien ça. Bah, tu peux faire le cube. Hein. Voilà. Bah oui, je et 2 heures, ça, c'est une grosse matinée, hein, ici. C'est 2 heures et demie grand max. Ah oui. Ouais. Pour, sans rien prendre. Sans rien prendre. C'est impressionnant. Ouais, écoutez. Et c'est surtout le sans rien prendre, hein, vraiment. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté comme morceau à la boîte aux lettres? Est-ce que vous avez apporté un vinyle ou vous faites juste un don? Juste un don. Juste un don, c'est très gentil. C'est un don de combien? 10 euros. 10 euros, merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir sur la place de la Digue ce soir. Très belle fête de fin d'année. Bisous à vous. On pourrait pas choisir une chanson? Ah ben, est-ce que la régie, la voix, il y a la voix. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Romain qui s'est levé si en pleine nuit? Vous allez choisir entre les vinyles que je vais vous proposer. Regardez, choisissez entre. Non, mais. Allô? Oui, la voix. Vous pouvez choisir dans le vinyle de Walid. C'est ce que Walid vient de dire il y a 5 minutes. Merci, la voix. Vous suivez cette émission, ça fait plaisir. Ah, Walid, il en propose que 2, j'adore. C'est celui que je voulais écouter. Allez, vas-y, balance. Alors, ils ont choisi Céron et Supernature. Ah ben, on va écouter Céron dans quelques secondes. Vas-y, c'est un manipulateur, mais c'est grave. Alors, ouais, il a proposé Snorkels. Confesseur à l'image, la pochette. Walid, que vous. Maman, vous comprenez pourquoi? C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, Walid, que vous retrouvez sur la première dans Presque Sérieux, c'est Presque Sérieux qui avait Divini l'a proposé, qui est allé à la boîte aux lettres juste avec deux. On vous remercie à la boîte aux lettres. Des bisous, bonne soirée, bonne nuit à vous. Cyril? Oui, la voix. Walid n'a toujours pas donné son gage. J'en ai un, mais je prends mon temps. On découvrira ça dans un instant. Si vous nous rejoignez ce soir en direct sur la Une en télé sur Vivacité, nous sommes avec Greg et Bénédicte Depré de Pure FM, de Snooze. Yes. Et qui se réveille d'habitude à cette heure-ci. Et ça fait plaisir que vous soyez là. Bah nous aussi, franchement, c'est très très chouette de participer à une action comme Viva for Life qui finalement est super importante pour toutes les associations aussi qui travaillent finalement à aider ces enfants et ces familles qui vivent dans la précarité. Et on les met pas assez en avant, je trouve, parce qu'elles servent aussi à combler un petit peu les brèches d'un système qui fonctionne pas très bien. Et donc c'est, exactement. Voilà, on est vraiment très contents et très fiers de participer à ça. Et puis très fiers de vous rencontrer aussi nombreux. Et de voir que vous êtes aussi généreux. Eh ben, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. On passe une partie de la nuit ensemble. Greg, tout à l'heure, on écoutera un des morceaux que tu as amené parce que tu as porté beaucoup de vinyles, mais pas encore un seul diffusé. Alors, pas encore un seul. Mais j'ai encore 6 à faire écouter. Donc, tu fais la file. Tu ne dépasses pas dans la file, s'il te plaît. Bénédicte, juste après, on va découvrir un des morceaux que toi, tu as amené aussi. Et Sylvestre, on écoutera ta sélection musicale aussi. Et on n'oublie pas qu'il y a un duo à réaliser avec Katy Perry. On fera ça avant 4 heures si on a le temps. Sinon plus tard, sinon à midi, tu restes, t'as l'habitude de midi. Oui, à midi, je ferai le duo à midi. Tu vois Sylvestre, c'est ce qu'on appelle être emprisonné. Mais c'est un drôle de sentiment quand même. Alors, on écoute le morceau de Céron. Oh, il y a... Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'aiguille n'était absolument pas sur le vide. Ouais, voilà. Voici Céron sur Vivacité. C'est un remix de Joachim Garraud. Allez, c'est parti. T'es sûr que le disque est pareil là? On sait toujours pas si tu peux aller à la bonne vitesse. Wally, toi qui connais le remix, c'est bon, c'est la bonne version. Oui, c'est un remix de Joachim Garraud. J'ai pas fait le chier sur le début. Non, hein. Écoutez, ça va partir. We'll be right back. qui sont passés à la boîte aux lettres, et c'était dans la sélection de Walid qui a apporté plein de vinyles. On rappelle la sélection, Walid, de tous les vinyles que tu as apportés. Il y a les Snorkies entre autres, et on peut les choisir sur vivaforlife.be. C'est vrai, il y a Jacques Brel qu'on voudrait écouter aussi. Pourquoi tu rigoles, Sylvestre? Il y a Patrick Coutin avec J'aime regarder les filles, très bon morceau aussi. On a du Barry White, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre, et du Bob Sinclair, voilà tout ce qui reste. Et alors, on a besoin de vous, deux petites secondes la voix, on a besoin de vous sur vivaforlife.be, vous devez choisir absolument Katy Perry, Firework, ou pas. Parce que dès que vous le choisissez, Sylvestre de Fontaine assurera un duo virtuel avec Katy Perry. Je veux bien chanter American Girl ou quelque chose comme ça, n'importe. Je suis pas difficile. Ce sera un duo avec Katy Perry. Et vous aimez bien Katy Perry aussi, la voix? Oui, j'adore. Ah, la voix, on a un problème en studio. Hier, j'ai fait tomber un ventilateur. Aujourd'hui, je n'ai rien fait. Il y en a un qui est tombé en panne. Et on a un réparateur à quitter dans l'émission. Ah, vous le faites intervenir, s'il vous plaît? Oui, j'envoie. Hier, on a récupéré un ventilateur qui était plein de fils de fer après, mais ça fonctionnait. Laurent, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce ventilateur qui vient de décéder? Bah, qu'est-ce qu'il a? Bah, regarde, il est sur 3, il fonctionne pas. Et il est branché, hein, prends-moi pour un con. Bon, tu fais quelque chose. J'adore le gars. Si vous le voyez pas il en ce moment, c'est très bien, très pas C'est le premier truc qu'on vous apprend pour réparer. Faut taper sur l'appareil. Bah oui, c'est ça. Au lieu de s'en occuper, il tape dessus. Bah non, ça marche pas. Tu fais quelque chose, tu nous en ramènes un qui fonctionne. Mais celui-là, tu le répares. Hein. Pas d'arnaque, hein. Je veux revoir celui-là dans quelques minutes. Ouais, ouais, hier c'était le même, ouais, c'est ça. Walid et la voix, vous avez quelque chose? Ah oui, il y avait un défi, c'est vrai, il y avait un défi. Et c'est là que nous comptons sur la solidarité des téléspectateurs et des auditeurs de Vivacité. Je demanderais, est-ce que quelqu'un nous ramène une tondeuse? Non. Écoutez, c'est... Non. Vous n'avez pas le droit de dire non, Cyril. C'est le principe de cette émission. C'est qu'à un moment donné, vous êtes là et vous devez subir. Il a besoin d'encouragement, en fait. Alors, pardon? Il a besoin d'encouragement. Il faudrait crier son prénom. Je sais pas. Quoi? Il a besoin d'encouragement. Il faudrait crier son prénom. Ah oui. Cyril. Cyril. En vrai, c'est Guignol, c'est marrant. Cyril. Donc, on a besoin. Il y a une tondeuse qui va arriver. Non, vraiment. Mais tondeuse, vous voulez que je tonde la pelouse? Non. On va demander à un auditeur de Vivacité de nous ramener une vraie tondeuse. Pas les cheveux, regardez. J'en ai plus. Bah justement. Mais vous n'en avez pas beaucoup, s'il vous plaît. Mais écoutez. Dégagez un peu sur les côtés. Écoutez, on va vous faire une petite coupe qui va. Non. Sachez que maintenant que vous faites de la télévision, il faut qu'il y ait un look qui... Écoutez, pas les cheveux. Laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir. Voilà, vous faites de la télévision, on vous voit, les caméras sont branchées. Bah, qu'on éteigne sur la une alors, les gars. Alors, si un auditeur de Vivacité ou un téléspectateur de la une pouvait nous. Dommage, votre micro ne fonctionne plus. C'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite coupe de cheveux. Donc avant 6h du matin, une petite tondeuse, Cyril. N'ayez pas peur, regardez Walid comme il est bien coiffé. Mais Walid, il a l'habitude. On voit qu'il a l'habitude. On demandera à Greg de vous prêter des cheveux. Mais pourquoi parler de cheveux quand sous cette chemise? Mais attendez, c'est que le début. Non, on a dit un défi, les gars. Un défi, ce sera les cheveux. Voilà, ce sera les cheveux. À mon avis, ce sera tendance avec Noël. Oui. La boule et tout ça. Voilà, regardez la boule. Ce serait tendance avec toutes les boules qui sont ici. Non, mais faites pas ça, vraiment. Le défi pour vous, ce sera de m'attraper alors. Parce que vraiment, je me barre. Non, vous pouvez pas. Vous n'avez pas accès à nos chambres. Écoutez, attendez. Et là, vous dites la phrase. Vous dites la phrase qui tue. Cyril, oui. Pour les enfants. Bah, faites un don. Bah, un don. Alors, si quelqu'un met 1000 euros. Non, non, pas 1000 euros. Non, si, si, si, parce que l'autre jour, Raphaël Scani l'a fait. Non, non, 1000 euros de don et il a pris une tarte dans la tête. Non, non, mais c'est pas une tarte. Non, non, non. On va vous tondre les cheveux même pour 2 euros. Non, mais s'il vous plaît, pas les cheveux. Je galère avec mes cheveux. Bah, on va vous aider. On va vous aider. Je vous promets, je me suis toujours dit, vous, les cheveux rasés, ça vous irait mieux. Non, mais non, non, je suis pas sûr. Et je vous fais une petite ligne au niveau du sourcil. Ah ouais. Moi, si, si, laissez-moi, je vais vous relooker. Moi, les cheveux rasés, Pascal Obispo. Déjà. Un auditeur nous ramène une tondeuse tout de suite et un avant 6 heures du matin et je vous fais le look Pascal Obispo. Mais oh, faites pas ça. Moi, si. Les cheveux rasés, ça vous existe déjà. Vous appelez Cyril Obispo. Ça s'appelle Olivier Duroy. Regardez le résultat. Cyril Obispo. Coé, oui. Oui, Coé. Ouais, ça va être ça. Si, non, c'est moi. Ça va être... Oui, et vous devrez après chanter Lucie. On va dans la gradation du défi. Premier défi, on vous rase les cheveux. Deuxième défi, vous chantez Lucie. Comme Pascal Obispo. Troisième défi, voler une voiture de police. Et dire, je m'appelle Pascal Obispo. C'est n'importe quoi, on passe la nuit ensemble sur la une en télé, sur Vivacité en direct, pendant encore 63h34 minutes et 10 secondes avec la musique que vous partagez. Vous faites des dons pour écouter ce que vous avez envie d'entendre. Et voici Calogero, quelqu'un qui a fait un don de 40 euros pour écouter Yala. On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main. On sait la vie se consume et il n'en reste rien d'une bougie qui s'allume. Tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Crois-tu que tout se résume au sel dans de Calogero à l'instant dans Via for Life sur Vivacité. Et alors, vous pouvez choisir tous les morceaux que vous avez envie d'écouter. Tout à l'heure, Walid a proposé des titres, mais vous pouvez aussi, par exemple, faire un don pour écouter Fool's Garden. Ah oui. Votre choix, c'est peut-être R.I.M. Faites-vous plaisir. Viaforlife.be, vous faites un don, on écoute le morceau que vous voulez, peut-être Nirvana. Tu vois, Walid, je suis obligé de garder mes cheveux pour pouvoir écouter du Nirvana. Comment? Mais, non, ça j'ai fait le boulot. On m'a prévenu, j'ai un téléspectateur, un auditeur qui va nous ramener une tondeuse dans un quart d'heure. Restez avec nous, ouais, dans le quart d'heure qui suit. Il va se passer des choses dans cette émission. On a déjà la tondeuse. Elle est là, la tondeuse. Regardez, elle est là. Elle est même arrivée plus tôt que prévu. Elle ne passe pas dans la boîte à dons. C'est dommage. Je vais venir la chercher. Vous inquiétez pas, je vais venir la chercher. Si, elle devra passer. On va faire ça dans quelques minutes. Viaforlife.be pour choisir la musique. Laissez bien votre numéro de téléphone. Comme ça, cette nuit, on fait de la radio ensemble. On passe la soirée ensemble. Et tout autour de la table, il y a du monde. Il y a Sylvestre de Fontaine qui s'endort tout doucement. Mais pas du tout, Cyril. Pas du tout. Je vous écoute avec grande attention. Et en fait, tu es en train de te reposer. Tu te prépares pour ton duo avec Katy Perry. Non, je me prépare à votre tonte, surtout. C'est ça, donc. Et on est tous prêts, là. Ouais, moi pas. C'est le truc. Greg. Oui. La tondeuse. Non, mais. Oh, qu'elle est belle. C'est une tondeuse qui doit être branchée sur secteur. Il n'y a plus de prise. C'est dommage. Ne vous inquiétez pas, j'en trouverai toujours. Regardez, elle est là. Non, vraiment, mais pas les cheveux. On a dit pas les cheveux. Ah là là, pas les mamans et pas les cheveux. Il suffit que Cyril dise qu'il n'y a plus de prise pour que quelqu'un arrive, évidemment, avec une multiprise. Comme c'est bien fait, c'est la technologie moderne. Bon. Ils sont bien quand même, ces gens. Ils sont bien. Non, ils ont le cœur sur la main. Regardez la caméra. La régie me dit de mettre un disque. Oui, vous allez mettre le disque, mais regardez la caméra. Oui. Mais regardez-la vraiment. Mais attendez. Attends. Je la dépose là. Mais venez ici, Cyril. Je vous promets, regardez, je l'ai déposé là. Regardez, elle est là. Ouais. Elle est là. Je suis bien l'invité de cette émission. Et donc là, Cyril est parti à la place de Walid. Donc Walid est à la technique. Non, mais fais l'émission. Mais il faudrait que vous disiez une bonne fois pour toutes adieu à vos cheveux. Ouais, oui, je ne peux pas. Mais je ne suis pas prêt. Regardez votre caméra. Ça va vivifier vos cheveux, vous allez voir. Et dites au revoir, goodbye. Non. Si, faites tout ce que vous voulez. Alors, pas venez, les cheveux. Venez vous mettre. J'ai pas confiance. Écoutez. J'ai pas confiance. Non. Quand même. Moi, de toute façon, j'ai dit je reste que 6 heures. Bénédicte a une alternative. Ouais, si on pouvait faire quelque chose en même temps pour les cheveux de Greg Carrette, ce serait pas mal. Non. Alors, Greg Carrette, un petit. Je vais lui couper les pointes. Les pointes, là. Les pointes sont abîmées. Les pointinettes. Ça fait des années que je travaille ça. Les pointes, c'est important. Alors, si vous avez mis mon confrère la dernière fois, il a regardé mes. Cyril, il y a du travail. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais non, touchez pas aux cheveux. Regardez, si vous aimez le poil aujourd'hui. Non, on va, si vous continuez, on va prendre les poils de votre torse, on va en faire des moustaches. Et ben ça, d'accord. Oui, mais en plus des cheveux. Non. Ah, il faut choisir. Alors, c'est. Mais j'ai choisi. Ou c'est juste les cheveux. Non. C'est vraiment vrai, il faut que vous sachiez. Il est fort, ce Walid. Écoutez. T'as besoin de quoi de la une. Alors, moi, j'ai décidé de te prendre en otage cette émission. Et c'est le mot qu'il ne faut pas dire, en fait, pour le moment. Alors. On va voir un combi qui va arriver. C'est ça. Juste sur la place. Alors. Oui. Venez reprendre votre place parce que je ne sais absolument pas comment fonctionne cette machine. Bah, tapez au hasard. Taper n'est pas le bon mot. Si je tape, je casse. J'ai déjà cassé un écran hier et un ventilateur. Revenez à votre place, je vais reprendre ma place, je vais mettre juste à côté. C'est bien. Voilà. C'est juste qu'on ne peut pas être au même endroit. Exactement. Alors on repasse. Cyril et Walid ne peuvent pas être au même moment, au même endroit, sinon il y a risque de tondage. Alors, avant 6h du matin, Cyril, on va demander aux téléspectateurs de. On va lancer un vote sur Twitter, tiens. J'aime bien rire partout. Mais j'ai entendu un bruit bizarre, j'étais inquiet. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien qu'on le faisons. On va trouver un compromis pendant le disque, on va négocier. On va faire des photos, je vais vous montrer. J'ai eu David Jean Motte en relooking pendant 6 mois. Ouais. Il m'a expliqué plein de choses. Mais vous n'avez rien retenu. Je voudrais appliquer ça une fois. On va négocier pendant le morceau. Non, on ne peut pas négocier. Un gage ne se négocie pas, vous êtes d'accord avec nous? Tout à fait. Un gage ne se négocie pas. Sinon, c'est plus un gage. C'est terrible. Ouais. Toutes les personnes qui sont rentrées dans ce cube, toutes, ont relevé tous les défis. Oui, mais à un moment donné, soyez à la hauteur du poste que vous avez. Je vous prête mon corps, vous faites ce que vous voulez. Non, ne prêtez pas votre corps. Ne prêtez pas votre corps. Cyril. David va nous appeler. Alors, en marchande. En marchande pas. Mais si, vous avez l'habitude, en marchande. Bah non, mais justement, si en marchande, on va aller plus loin. Voici Survivor, Eye of the Tiger. On revient dans un instant. Juste avant le défi, c'est pas une bonne idée cette musique parce que ça chauffe Walid. Walid est autour de cette table. Bénédicte Depré également. Il y a Greg de Pure FM. Salut. Sylvestre également. Oh, c'est la nuit des radios, c'est la nuit des vinyles et vous venez choisir la musique. Vous donnez quelques sous dans la boîte aux lettres ici sur la place de la digue ou alors sur viaforlife.be. Vous laissez votre numéro de téléphone, comme ça on fait un petit peu de radio ensemble. Et au passage, on ajoute de l'argent dans la cagnotte. Et par exemple, ici, c'est 40 euros qui sont rentrés dans cette cagnotte. On va aller à la boîte aux lettres. Tout de suite, il y a un monsieur qui est au téléphone. Vous êtes au téléphone avec qui, monsieur ? Avec Marjorie. Ah, ben attends, je vais chercher Marjorie. Ah, il vient de chercher. Ah, donc, oui, Cyril va chercher donc le téléphone à travers la boîte oui, aux lettres. Voilà, c'est ça. Voilà. Salut Marjorie. Salut Cyril. Comment ça va ? Il y a quelqu'un avec une tondeuse derrière vous, Cyril. Pardon ? Ça va très bien. Puis tantôt, j'ai rendu une petite visite au cube avec ma petite fille. Ah, comment elle s'appelle ? Voilà. Et c'est qui le monsieur qui était au téléphone avec vous alors ? Mon compagnon. Ah. Marjorie, vous trouveriez quand même, entre nous, sincèrement, Cyril plus sexy, les cheveux rasés. Non. Il a un, regardez sa petite barbe de 2-3 jours avec ses cheveux rasés, ça lui irait, mais comme un gant. Non, je suis sûr que Marjorie n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. En même temps, je vous entends pas bien, je pense. Je suis sûr de bien m'entendre, Marjorie. Vous entendez Walid qui vous parle ? Non, j'entends pas Walid. Ben alors, dites, répondez juste non. Dites non. Oui, oui. Non. Ah. Marjorie, je vous aime. Il y a déjà eu un problème d'épilation avec l'équipe de Cyril. C'est vrai. Alors, l'année dernière, je travaillais chez Fun Radio. On avait passé une nuit dans le cube et on avait épilé Raphaël Scagni. C'est un bon retour de... Voilà, c'est la retourne, comme on dit. J'avais déjà dit oui pour l'épilation l'année dernière. Donc, je dis oui pour la tondeuse. Ah, épilez-moi, ne me tondez pas. vous savez que votre compagnon est avec quelqu'un ? Mais justement, mais ça ne regarde pas. Ah, d'accord. Ok, je voulais foutre la merde dans le couple, mais ça marche pas. Je vais quand même vous rendre le téléphone. Okay, c'est quoi votre prénom à la boîte aux lettres ? Dimitri. Dimitri, alors c'est grâce à toi qu'on a une tondeuse dans ce studio. Bien sûr. Sécurité ! Il faut capturer le monsieur. Sécurité, monsieur doit partir. Cyril, c'est pour votre bien. Je vous dis sincèrement, c'est Christina Cordula qui me l'a dit. Oh là là, non, mais pas les cheveux. Sans déconner, on peut toujours pas... Oh, c'est tous les cheveux ou c'est tous les sourcils ? Mais non, on va ressembler à Philippe Etchebest après. Voilà, vous choisissez. Je vous enlève les deux sourcils ou c'est les cheveux ? Non. Aucun des. Venez. Alors, il faut à un moment donné choisir. Vous savez, choisir, c'est renoncer. Venez, mais faites autre chose. Ah bah ok. J'ai pas confiance. Bah ok. Ok. Ok. Bon, venez ici déjà. Bah, allez, j'y vais. Alors, est-ce que tu préfères avoir des dents en mousse ou des jambes en gelée ? Mais Cyril, tu as dit que tu voulais bien donner ton corps à Walid. Oui, ah ouais. Pas mes cheveux, mais mon corps. Non, mais sans déconner, pas la tondeuse. Donc Walid a bien une tondeuse, oui. On l'entend. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais attendre 6h du matin. Ça me va, à 6h je vais dormir, tu n'auras pas le temps. La voix connaît votre chambre. Oui. La voix, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Voilà, non, pas les cheveux. On va juste à côté, juste à côté. Mais non, mais non. Si, c'est à la mode, c'est à la mode. À la Rihanna. Ouais. Non, pas de côté. Vous pouvez choisir le côté. Syriana. Je sors, il y a une sortie de secours à ce cube. Hein. Je peux y aller. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais c'était pas vos défis, Cyril, on perd un défi. Si, parce que. On va jusqu'au Walid, tu as proposé de raser le torse et de faire une moustache. Non, au départ, c'est ce que. Ok, alors, avec les cheveux, avec un petit bout de cheveux. Mais non, avec les poils, il y a assez. Et un petit bout de cheveux. Mais c'est quoi votre problème avec les cheveux ? Je sais pas. Il aime ça. Il aime ça. Vous êtes fétichiste des cheveux ? Vous avez des perruques à la maison ? J'ai un truc, je sais pas. Je sais pas. Bon. On se le fait ce défi, mais pas les cheveux. Et à un moment donné, on y va tranquillement. On fait une petite partie et après, si ça vous plaît faites une moustache. Une moustache avec des cheveux. Non, mais juste au côté. Non, mais vous auriez plus confiance si c'était moi. Arrêtez. Non, oui, attendez. Et moi attendez, faites confiance à Bénédicte. La seule personne ici qui est une femme. J'ai confiance en personne dans cette équipe. Je sais que vous êtes capable du pire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir le faire. Ben alors, relevez-vous. Ben, mais laissez-vous faire. Je sais pas, parce qu'en même temps, dans l'oreillette, on me dit « aie confiance ». Ben oui. J'ai pas, absolument pas confiance. Ayez confiance. Cyril. Oui. Un C sur le torse. Un C sur le torse. Ah. Et à un moment donné, c'est qui fait? C'est qui? Je vais m'expliquer. En fait, moi, on m'a toujours dit, quand on me dit choisir un défi, que je le choisis, c'est pas quelqu'un qui choisit un autre défi à ma place. Je sais pas ce que vous en pensez. J'accepte le défi. Hein? J'accepte le défi de la voix. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Walid, c'est la voix qui décide. Ah oui, mais attendez, mais alors, il faut que vous m'expliquiez les règles, parce que j'avais pas compris que c'est comme ça. Mais voilà, la voix vient vous le dire, c'est la voix qui décide. Vous décidez quoi exactement, dites-moi? Un C sur le torse. Ok. Oh, il est déçu. Non, il est déçu. Un C sur le torse. Déboutonnez la chemise, j'ai pas confiance. Il est pas déçu, il est boudeur. Allez, on se prépare. Et pendant ce temps-là, on écoute un morceau qui a été choisi sur vivaforlife.be. Vitalik, c'est l'Europe qu'on écoute maintenant sur Vivacité. Continuez-vous aussi à faire vos dons. Mais barre-toi de là avec ta tondeuse. Vivaforlife.be, vous laissez bien votre numéro de téléphone. On fait de la radio. Arrête ! On fait de la radio ensemble ce soir en direct sur la Une et sur Vivacité. Armé de sa tondeuse, le défi on le réalise juste après les infos de 4h. Il y a Sylvestre de Fontaine qui est autour de cette table, qui va chanter en duo avec Katy Perry. On découvrira un souvenir de Bénédicte Depré, et puis Greg qui anime avec elle sur Pure FM va enfin passer un disque. Il attend ça depuis 4h. Viva for Life avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Michael Menten avec vous. Bonjour à tous. Une perquisition a été menée hier dans le quartier bruxellois de Dansard, rue de la Clé, à la limite de Molenbeek-Saint-Jean et de Bruxelles-Ville. Les unités spéciales d'intervention ont été déployées vers 18h avec de gros moyens, dont deux véhicules blindés. Et cette opération était en lien avec les attentats de Paris, mais le suspect numéro 1, Salah Abdeslam, n'était toutefois pas la cible. Au total, deux personnes ont été interpellées et emmenées pour audition. Il s'agit de deux frères. Un périmètre de sécurité a été maintenu durant toute la durée de l'opération. Les habitants concernés ont regagné leur domicile en début de nuit. Ils sont enfin en route pour Paris après une drôle de mésaventure. Les 459 passagers du vol Air France Île-Maurice-Paris. La nuit dernière, l'appareil a dû se poser en catastrophe au Kenya après la découverte d'un engin ressemblant à une bombe. Et finalement, après l'intervention des démineurs, il s'agissait d'un bricolage inoffensif. Et jusqu'à 8 heures de retard ce dimanche pour plusieurs milliers de passagers d'Eurostar en cause des problèmes techniques du tunnel sous la Manche. Le service doit reprendre normalement ce lundi matin. La victoire de la droite en Espagne, les conservateurs du Parti Populaire ont remporté les élections législatives, obtenant 28,7% des suffrages. Cela dit, le parti au pouvoir perd sa majorité absolue. Le PP n'obtient que 121 sièges sur 350 au Parlement. C'est 65 de moins qu'en 2011, un résultat qui risque de compliquer la formation d'une coalition. Le Parti Socialiste arrive deuxième avec 22,2%. Il est suivi de la gauche radicale Podemos qui dépasse la barre des 20%. Et puis en sport, football, suite et fin de la 20e journée de championnat. Trois matchs étaient au programme ce dimanche. La Gantoise a battu Courtrai 3-0. Lourde défaite du Standard à Ostende 4-1. Et puis Anderlecht est allé gagner au Club de Bruges. Score final 1-4. Au classement général, la Gantoise est toujours premier avec 43 points. Ostende est deuxième avec 38 points. Anderlecht et Bruges se partagent la troisième marche avec 37 points. Le Standard est aux portes des play-offs, septième avec 25 points. Merci de nous écouter. Très bon lundi à tous. Les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. Avec Cyril. Et je ne suis pas tout seul pour cette nuit des radios, cette nuit vinyle où je choisissais les morceaux via forlife.be pour faire votre sélection, pour faire votre don. La boîte aux lettres aussi, ici sur place, sur la place de la Digue, à Charleroi. Bénédicte Depré et Greg Carrette sont avec moi. Cette nuit, salut. On vous retrouve d'habitude sur Pure FM, dont vous démarrez à 6h. C'est ça, 6h, 9h dans Snooze, sur Pure. Et là, normalement, on se lève. Ouais. C'est bien. Et là, tu es encore debout. Heureusement, il n'y a pas émission. Demain, vous êtes en vacances. Ouais, on a pris des petits congés. C'est quoi ça? Et vous partez ensemble en vacances? Non. Non, merci. Comme dirait Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, oh, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Walid est autour de cette table aussi. Bonsoir. Pas bonjour quoi. Sylvestre de Fontaine aussi de Pure FM. Alors Greg, depuis tout à l'heure, tu attends de passer un vinyle. Exactement. La bonne nouvelle, plus c'est ou que moins 23h. Tu vas pouvoir le faire dans un instant. Exactement. Et juste avant, c'est le défi. Walid m'a lancé un défi. C'est de faire un C sur mon torse. À la base, c'était pas ça. Walid, ça s'est fait mal. Pour ceux qui reprennent l'émission en cours, à la base, c'était pas ça. Mais on va quand même. Il est revêche. On va le faire. Ça fait 45 minutes qu'on négocie. À un moment, il va falloir y aller. C'est vrai, c'est vrai. Vaut mieux un C que. Que rien. Qu'un grand O. Alors, j'ouvre le. Allez, la chemise. Et il y a matière. Ça veut dire. Super beau. On va faire fuir les téléspectateurs. Là, je vous dirai. Moustache avec. Alors. Ah, on va faire le moustache avec mon torse. D'accord. Un C de Cyril. La tondeuse est quand même assez costaud. Ouais, c'est... On va faire ça pour que la caméra puisse le voir aussi. Hop. C'est agréable. Ça voilà. On ne verra pas le C. Ça fait un petit message en même temps. Il y avait un petit côté trompe-l'œil. Ouais. J'ai l'impression que tu passes beaucoup au même endroit. T'es en train de m'écrire tout l'alphabet. Donc en fait, Walid prend sa vengeance. Il ne fait pas un C. Il a rassimoise. Et je pense que quand Cyril disait qu'il n'avait pas confiance, eh bien il avait absolument c'est raison. Non, c'est pas assez. Non, il manque une barre là. T'es en train de tout raser. Oui, alors. Ah oui, là c'est plus un C du tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah, Walid, tu t'es trompé, tu as fait un W, faut corriger là. Qu'on attend du Tipex. Alors, on va faire un V de Viva for Life. mais tu es en train de faire n'importe quoi, il y en aura plus après. Tu sais que je vais avoir froid, c'est l'hiver. La question qui se pose, c'est que fait Walid? Si ce n'est un sale coup. Alors, je me rapprocher du micro. Alors, Walid est en train de me raser le torse à la tondeuse. Et t'étais censé faire un C, mais tu as fait n'importe quoi. T'as fait un gros scrabucha. Alors, attends. Tu dépassais quand tu faisais des dessins à l'école? J'ai jamais fait de dessin à l'école. C'est ça. Est-ce que tu sais écrire? C'est le problème de ma vie. Très peu. En fait, le truc dans ce défi, c'est qu'on a absolument pas vérifié que Walid savait écrire un C, puisque là. Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi le projet? En fait, c'est la première fois que je le fais, donc. Le gars, il est en train de prendre. Il avait dit qu'il était spécialiste en cheveux. Voilà. Ouais. J'avais dit à la base, cheveux, je gère, poils de torse, je gère pas. Mais j'ai l'impression que t'es en train d'aimer. Jusqu'à la tête, Cyril. Non, mais vraiment, pas la tête. Non, pas la tête. Tu peux enlever ici, tu vois, ça dépasse la coupe. Faut pas lui demander ça. Mais c'est. Non. Il vient de me faire signe, genre il y a quelqu'un derrière, heureusement il y avait personne. Quel enfoiré. Bon, ben voilà, c'est pas mal. On va laisser ça comme ça, ça repousse pas. Ça ressemble à rien, mais. Ça ressemble à rien, effectivement. Il y en a partout. Tiens, à propos de C, si vous alliez tous signer le C, barre-toi maintenant avec ça. Hein. Si vous allez signer le C, le logo de la ville de Charleroi qui sera mis aux enchères juste après, à la fin de Viva for Life, on dirait Cubi qui ronronne en mettant le rasoir contre le micro. Vous signez ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait de la nouvelle moquette épaisse, mais non, c'est mes poils qui sont tombés. Je pense à Seb et à Sarah qui vont reprendre les commandes demain de la console. Il y a des poils partout. Ouais. Bon, on va écouter un petit peu de musique pendant ce temps-là, vous signez le C. Merci Walid. Est-ce que tu peux faire la promo de ton salon de barbier? Je crois que je vais pas le faire finalement. Vu le résultat, c'est pas plus mal. On écoute de la musique parce que la musique a du cœur et on la partage ensemble. Et nous allons écouter Hélène tout de suite, qui nous a été demandée. C'est un don de 50 euros que l'on va honorer tout de suite. Alors le problème, c'est que je n'ai pas Hélène sous la main. On me dit de passer Hélène, mais je ne l'ai pas. Donc est-ce que la régie peut faire quelque chose? On va faire le temps de charger, de rechercher Hélène. Ah bah voilà. Et Greg, on va écouter votre morceau. Il y en a un qui suit dans cette émission, c'est moi. Donc j'avais lancé mon morceau, on m'a fait stop. Non, je vais le lancer. C'est quoi? Kim White, Kids in America. Regardez comme Kim White faisait la gueule à l'époque. C'était une manière de voir les choses. Allez, c'est interdit de sourire. C'est votre sélection, c'est le 45 tours de Greg Carré de Pure FM. Je suis une fille comme... les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes peines. Elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais. Confidence, je suis allé voir Petit Hélène en concert. Bah, je vais vous faire une confidence, je suis triste pour vous. Mais c'était chouette l'époque du Club Dorothée. Qui a suivi le Club Dorothée ici? La preuve, Cyril, c'était un des vinyles que j'avais avec moi, Hélène. Ah, et tu étais aussi allé là-bas? Non, faut pas déconner quand même. Et qu'est-ce que tu as acheté le vinyle? Pourquoi tu l'as acheté alors? Bah parce que j'étais jeune. Vous remarquerez. Inconscient. Heureusement, j'avais des parents qui faisaient attention à mon éducation. Ils me laissaient quand même acheter un truc aux champions de Comic France pour ne pas dire le. Ouh là là là. Et à un moment, Hélène. Faut pas déconner non qu'est-ce plus. Qu'est-ce que vous remarquerez la ressemblance entre Hélène et Greg Carat? C'est vrai, Greg Carat de Pure FM qui est avec nous. Regardez, mettez Hélène à côté. Ah, n'empêche. Il y a la frange. Il y a un petit air. C'est Greg qui a des longs cheveux. Vous voyez Hélène, la chevelure. Ouais, c'est ça. C'est la même chevelure qu'Hélène. Hein. Ouais. C'est exactement la même chose. Merci à Dorian de Liège qui a donné 50 euros pour écouter Hélène. Dans un instant, nouvelle chanson. C'est votre sélection, Bénédicte. Petit souvenir. On découvrira ce que c'est après une chanson. C'est le défi de Sylvestre de Fontaine de Pure FM qui est là aussi. Dites-moi que quelqu'un a donné de l'argent pour ça. Alors, oui, il y a plein de personnes qui ont demandé d'écouter Katy Perry. Et tout à l'heure, l'idée, c'était de faire un tour de table. Des rêves de chacun. Ouais. Et vous avez dit mon rêve, c'est de faire un duo avec Katy Perry. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bah nous non plus. Malin, des conneries. Nous non plus finalement. Alors on va réaliser ce duo virtuel. Est-ce que tu es prêt Sylvestre? Écoutez, non mais. On y va. 3. Alors ça monte haut quand même. Hein. Ça monte vachement haut. Alors si jamais vous allez prendre un froid comme ça. Si on va prendre personne. On peut pas, on est en direct à la télé. Mais si tu n'arrives pas à chanter comme Katy Perry, tu peux le faire à la Frérot de la Vega. Tu vois, tu prends une tonalité en dessous. Oui, ça c'est pas une tonalité en dessous, c'est 10 tonalités en dessous ça. Eh ben fais-en 10 si t'as envie. T'es prêt? Attention, Katy Perry, Firework, c'est parti. Alors le principe du duo, c'est de chanter en même temps. Vous mettez carrément le refrain. On est carrément en refrain. Attention, 3, 4, on y va. Visiblement, il a mal. Si on pouvait arrêter de torturer le chat. Cubi. Monsieur qui demande que tu arrêtes de chanter. Bravo, on peut applaudir Sébastien de Fontaine qui a très bien chanté ce duo avec Katy Perry. Il y a un petit air de Michael Jackson, non? Oui, c'est ça. Cathy, non, oui, moi. Très petit, hein, très petit, l'air, mais il y en a un. Bénédicte Depré de Pure FM, que vous entendez d'habitude en snooze le matin dès 6h. On écoute aussi ta sélection musicale. Tu as voulu écouter quoi ce soir? Mais écoute, j'ai sélectionné un des premiers albums que j'ai acheté. Ok. Un des premiers albums que j'ai acheté, c'est les Spice Girls. Voilà. Ah, les Spice Girls. Il y avait un titre en particulier des Spice Girls que t'aimais bien, ou c'est un peu tous? Tell me what you want. Ouais, je les écoutais tous, quoi. Mais. Et ben, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va diffuser un medley des Spice Girls. Ah ouais, trop bien. Ah, et est-ce qu'on peut chanter tout de suite, à moins que j'ai encore une connerie à faire avec une tondeuse. Non, c'est pas ça. C'est que je voulais l'écouter dans la voiture parce que je vais vous laisser, je vais devoir partir, les amis. Oh, tu t'en vas. Viens faire un câlin. Oh, c'est mignon ça. Viens ici. Tu as des poils sur ta chemise. C'est juste pour ça. Vas-y Gunther, oui tu merci es bon, Walid. Vas-y. Maintenant tu le prends Gunther, tu lui fais l'amour. Walid, oui c'est ça, retrouvez... oui prends-le. Walid que vous retrouvez sur la première dans C'est presque sérieux. C'est tous les jours des 16h. Ah même pendant les vacances c'est à l'antenne. Ah il y a des gens qui sont pas gâtés, c'est ça des stagiaires à la RTBF. Merci Walid, bonne nuit à toi. Alors le medley des Spice Girls, va vite dans ta voiture parce que ça y est, on l'écoute. Je pense qu'on va bouger, on va chanter là-dessus. Ça va nous rappeler des souvenirs. Ça démarre calmement. Il est juste derrière là. Ça, c'est maman, c'est ça. Maman. Vous aviez vu le film? Il y avait le film des Spice Girls. Ouais, le retourner, moi j'étais une grande fan. J'avais la cassette, j'avais l'album, je faisais des chorés dans ma chambre. Voilà, ma préférée c'était Sporty Spice, quoi. Mel C. Et si tu faisais les chorés en même temps sur le livecenter rtbf.be sur la une, vous allez pouvoir suivre la chorégraphie de Bénédicte Depré de Pure FM qui est avec nous ce soir. Et voici le Megamix des Spice Girls et juste après, on écoute vos morceaux que vous choisissez sur viva4life.be. I'll tell you what I want, what I really, really want. Et ben c'est fini, on l'a écouté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. C'était bien. Merci Bénédicte Debré pour ce choix quand même. Avec plaisir, comment ça m'a replongé dans mon enfant, c'est ça. Dans ma chambre. Moi je suis quand même un peu vexé, on a demandé l'histoire de qui Spice Girl avec Bénédicte, on va pas m'en donner l'histoire par rapport à Kim Wilde. Alors pourquoi tu as choisi Kim Wilde? Dommage, il y a quelqu'un qui rentre dans le cul. Non mais moi je ne faisais pas de Corée, j'aime pas Luchet moi. Merci. Qui est-ce qui est avec nous? C'est Pascal Michel. Bonjour. Comment bonjour ça va tout le monde. Bah, bonjour Pascal. Ça va très bien et vous? Ça va super. J'ai vu que tout le monde pouvait se faire plaisir avec les musiques qu'ils aimaient. Oui. Et moi je me suis dit, je vais prendre un artiste qu'on entend beaucoup sur Pure FM. Beaucoup. Qui pour vous l'interpréter en live, bah à votre avis. Qu'est-ce qui passe? Si je vous dis que Greg, si je vous dis qu'il chante un peu comme non. Vous voyez, un peu comme ça. Genre ça. Bah, oui, Bah, si, ça passe beaucoup. Il y a une erreur sur la chaîne là. C'est dommage parce que c'est quand même ça qu'on va chanter. Il y avait une chance sur deux, et c'est pas la bonne. Bravo Pascal, c'est pas nous. Rassurez-vous, je sais que vous aimez quand même Christophe Maé. Oui, évidemment. Christophe Maé, quoi. Alors attends, je vous donne les paroles. Au fait, sur Pure FM, depuis quand vous passez Justin Bieber? J'ai entendu l'autre jour Justin Bieber. Depuis qu'il chante avec d'autres gens, en fait. Voilà, c'est ça. Depuis qu'on passe plus un de chez. Ah, mais oui, c'est vrai que le morceau avec Skrillex. D'accord, Justin Bieber, vous passez pas tout seul, quoi. Non, c'est ça, mais. Non, on ne passe jamais tout seul. Sauf dans le bon disque. Il est trop jeune. C'est bien, il faut le dire aussi. Mais c'est vrai que le morceau avec Skrillex, il est pas mal. On va se faire donc une chanson de Christophe Maé. Oui, alors vous savez. C'est laquelle? Il faut quand même revenir sur la petite histoire, parce que Cyril, vous nous avez donné le défi de revenir en faisant du Christophe Maé. Donc c'est pour ça, c'est ça. Mais c'est parce que Pascal, vous le donnez vachement bien, Christophe Maé. Bah, c'est un peu la seule imitation que je tiens. Alors, c'est cette chanson-là qu'on va faire. Il sait faire d'autres choses. Ah, Fadi qui est à la guitare. Balance, il sait faire quoi d'autre? Écoutez rien de ce que dit ce monsieur. Si, Fadi, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Jali, vous connaissez Jali? Jali, bien sûr, il était tout à l'heure sur la scène ici, sur la place de la Digue à Charleroi. Eh ben, ce serait Christophe Maé quand même. Mais maintenant, on sait que le prochain défi, ça peut être du Jali. Alors, on va chanter Belle Demoiselle, c'est ça? Alors, c'est facile pour imiter, parce que vous allez pouvoir essayer d'imiter Christophe Maé. Le principe, il est simple, c'est de faire un peu glousser la voix comme ça. Vous voyez, un petit souffle dans la voix. Constipé, quoi. Bien serrer les cordes vocales pour aller chercher en l'eau, ça fait comme ça. Mais là c'est pas Christophe Maé, c'est de la jouissance. Là c'est Brigitte là. Qu'il faut le dire quand même, à l'époque avait une poitrine extraordinaire. Ouais, c'est mais t'étais chaud toi à l'époque. très chaud. Mais vivait dans un bled aussi. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas grand chose. Hein. On est avec l'équipe de Pure FM autour de la table. Fadi à la guitare, Pascal Michel en Christophe Maé. On y va, on se fait plaisir. Tout le monde a les paroles. Ah oui, mais là, c'est... Oui, on a les paroles. AMFCG, c'est... Putain, je la connaissais pas, celle-là. J'ai dû la louper. Et pendant qu'on va chanter en direct tous les soirs, on se fait des chansons toutes les nuits, en direct sur La Une et sur Vivacité, vous pouvez continuer à choisir votre musique et faire des dons pour Viva4Life. Viva4Life.be, vous choisissez une chanson, vous faites un versement, et au passage, vous ajoutez bien votre numéro de téléphone, comme ça on vous accueille à l'antenne dans quelques minutes. Tout le monde a chauffé sa voix? Christophe Maé, ça commence toujours par... Ça fait bluffant, ouais. Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale. J'entends comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde, me sourire, je baisse la garde. Pour me dire, belle demoiselle qui se presse dans l'allée, ça démarche, je suis dans le désert, et j'ose pas m'en parler. Par contre, toi, tu t'emballes. Hein. Christophe Maé versus Jim Tiki. La version Kenny Irak de Belle Demoiselle. C'est fini? J'imagine Christophe Maé en plein concert qui dit bon bah je sais plus la suite, j'arrête. Tu disais Bénédicte, on t'entendait pas. Chanteur précoce. Il a tout lâché. On fait une petite pause, tu nous refais une petite chanson? Bah oui, demain. Comment ça demain? Jali demain. Non et oui, il faut laisser reposer sa voix et tout, vous savez. Oh la star. Est-ce qu'elle fait pas la suite, chanter un petit Skrillex ou un truc comme ça, toi? Allez, défi. Je me suis dit. Vous ne voyez pas ce qui se passe si vous écoutez la radio. Mais si, ça ah non, je passe. Sylvain, tu viens de dire Skrillex. On parlait de ce morceau avec Justin Bieber. Et il y a eu une interrogation dans le regard de Pascal Michel qui s'est dit mais quelle langue parle le monsieur qui est face à moi? Mais genre, c'était entre Dave et Michel Delpech ou comment c'est, ça se passe? C'est un peu après. C'est après. C'est pas la même coiffure, même si elle a la mèche du côté. Alors, on va essayer de trouver la version. Comment il s'appelle le morceau avec Skrillex? Vous, sur Pure FM, vous le passez à peu près 12 fois par jour. Pas celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est Skrillex tout seul. Ah oui, Where Are You Now. Avec, c'est Jack You, ouais. Jack You. Attendez, parce que le temps qu'on trouve le morceau. Interprète Jack You, attention, vous avez 10 secondes, sinon on rase la tête. 1, 2, 2. Attention, il y a un piège avec le You. Where Are You? 4. Merde, il marche pas. Ah, c'est un You, c'est un U. Attendez, je vais la voir. Mais putain, il y est pas. 7, 7, 8, 8, 8, 8. Mais non, il y est pas. J'ai beau chercher, il y est pas. On revient avec la tondeuse, s'il vous plaît. Sérieusement, en régie, vous l'avez? Ils ne l'ont pas. Bon, on va écouter de la musique. On va chercher. Attendez, après, on va trouver ça. On va chercher pendant Sum 41. C'est bizarre. Mais vous n'êtes pas venu avec vos morceaux de Pure FM. Franchement, ça déconne. On écoute Still Waiting maintenant, qui a été demandé sur viaforlife.be. Et c'est un don encore qui rentre dans la cagnotte Via for Life. Un don de 10 euros. Merci. Ah bah, ça c'était Christophe Maé, ça n'a rien à voir. C'est pas le même style que Sum 41. Hein. Can't find hope to believe in. Sum 41 à l'instant sur Vivacité dans Viva for Life. C'est rare Sum 41 sur Vivacité, mais ça décrase un petit peu. Vous faites vos dons et vous choisissez la musique. On partage la musique ensemble parce qu'elle a du cœur et vous en avez aussi. Et vous faites énormément de dons pour les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Ça nous fait plaisir, mais il faut faire mieux que l'année dernière. 2 100 000 euros à la sortie du Cube en 2014. En 2015, on veut voir ce compteur exploser. Pour ça, on a besoin de vous. Faites vos dons sur vivaforlife.be. On écoute une nouvelle chanson dans un instant. Soirée vinyle avec toutes les radios qui sont passées, toutes les radios de Pure FM, de la RTBF et donc Pure FM avec moi encore cette nuit à 4h32 du matin. Merci beaucoup d'être là, Bénédicte, Sylvestre et Greg. Greg qui est venu avec plein de vinyles. Tu vas pouvoir en mettre un nouveau dans quelques minutes. Ah, j'ai permission ou quoi? Ouais, tu as permission. T'es venu tout à l'heure. C'était quoi? T'es arrivé à 23h? Ouais, quelque chose comme ça. Et oui. T'as passé ton premier vinyle il y a 10 minutes. Ouais, exactement. Le gars le plus patient au monde. Surtout que j'en ai pris plus ou moins 2 tonnes 50 avec moi. Il y a des maxi 45, des croûtes, des trucs bons aussi. Hein. Bah, on va découvrir tout ça ensemble dans un instant. On parlait de Justin Bieber avec Skrillex, un morceau que vous passez régulièrement sur Pure FM. On l'a trouvé plus rapidement que la régie. Ah. La régie n'est pas au point. Sauf que là, c'est la régie qui l'envoie. Ils font les malins. La voix est taquine. Et par contre, moi, je l'ai calé au bon endroit, les amis en régie. Comme ça, au moins, on entend la voix de Justin Bieber. Et la flûte avec le Kido. Si vous avez envie de l'écouter d'ailleurs en entier, vous pouvez, choisissez-le sur viva4life.be, on compte sur vous. Alors Greg, si on se faisait un petit vinyle, qu'est-ce que t'as envie d'écouter? Ah mais qu'ai-je donc le droit de passer? Il on a rien déjà préparé, du, on fait. A déjà eu du Michael Jackson, on peut remettre du Michael Jackson, non, que non, dit non, la régie. Non, pas de faut Michael pas Jackson. On va y en écouter un autre. Ah, ouais. Ça va un truc bien là, ah, mais, chose alors, auquel on s'attend pas. Alors depuis tout à l'heure je fais du air batterie. Oui, c'est vrai, on te voit en direct hein, sur le Live Center et sur la Une. Alors, tu aimes bien agiter les bras. Alors, voilà, ici j'ai sous la main un album de Guns N' Roses. Ah. Que je connais personnellement. Tu connais les Guns N' Roses par cœur, et je serais assez capable de vous faire tout un morceau à la air batterie. Tellement par cœur que t'es en train de chercher comme un dingue où se trouve le morceau que t'as envie de passer. Oui, parce qu'à l'époque j'écoutais du CD, j'étais inconscient. Et donc, je pourrais vous faire Sweet Child O' Mine à la air batterie tout le morceau, mais pour ça il va falloir allonger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu veux quoi? Ah bah, je veux que le genre mette un peu de pépette dans l'histoire, quoi. On est un petit peu là pour gagner de l'argent pour les enfants. Mais exactement. Faites vos dons viva4life.be et discutez avec nous sur Twitter aussi avec le hashtag viva4life. Il y a beaucoup de gens qui sont assez inquiétés pour l'état de Kubi tout à l'heure, puisque Walid, qui nous a quittés, était là avec une tondeuse. Il a relevé un défi et les gens disaient sur Twitter, c'était drôle, que Kubi devait se planquer. Parce que la tondeuse et Kubi, bah ça va pas ensemble, notre pauvre petit chat. Heureusement, Walid est parti là, et la tondeuse a été récupérée. On va aller à la boîte aux lettres le temps que tu cales le morceau, Greg, puisque Manu, qui est passé tous les soirs, je t'ai vu d'ailleurs tout à l'heure, t'es passé également plus tôt dans la soirée. Manu qui vient toutes les nuits nous faire un petit coucou. Salut Manu, comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va bien depuis hier. La journée s'est bien passée? Ça va, ça a été. Je suis venu sur le marché de Noël, donc ouais, ça a été. Bon après-midi, t'étais là avec les joueurs du Sporting tout à l'heure? Non, pas du tout. Ils m'ont vachement déçu à Westerlo, donc j'ai pas envie de les voir. Et ils nous ont fait énormément de plaisir parce que tout à l'heure, les joueurs du Sporting et Mehdi Bayat sont arrivés avec un chèque de 10 000 euros quand même. Donc ça, c'était une belle action. Et puis, je leur ai mis une raclée au kicker aussi. C'est ça, ça, c'était une victoire personnelle quand même. Manu, qu'est-ce qui t'amène ce soir? Bah, comme d'habitude, je viens parce que. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien être là, j'aime bien être avec vous. C'est comme si j'étais dans le cube avec vous et j'aime bien ça. Enfin, je sais pas, c'est cool. Ah bah, c'est cool que tu viennes faire un petit coucou toute la nuit, tu restes un petit peu avec nous. Ouais, bah, je suis déjà là depuis 2h du matin. D'accord. Et je vais rester jusqu'à ce que j'ai trop froid, parce que c'est vrai qu'il caille un peu. Est-ce qu'on a une grosse laine? Moi, j'ai un plaid en haut dans ma chambre. Tu veux que je t'apporte un plaid? Non, ça va, non. T'es bien? Parce que sinon, ouais, je te passe le plaid par la boîte aux lettres. Non, ça va, hein. Non, ça va. Vraiment? Non, ouais, j'ai une bonne veste, ça va. Dès que t'as froid, tu me dis, je vais te chercher le plaid, hein, y a pas de problème. Ça va, c'est gentil, merci. Bon. Un petit café pour l'ami? Ouais, est-ce que tu veux un truc à boire pour te réchauffer? Non, je bois pas de café, c'est gentil. Tu veux de l'eau? Tu veux du. Non, mais c'est gentil. Tu veux rien? Ouais, non, ça va, j'ai. Tu veux que je fasse Sweet Child O' Mine J'avais demandé November Rain l'autre fois, la première fois que je suis venu, mais elle n'est pas sur cet album-là. Mais par contre, sur cet album-là, il y a Paradise City. Et Paradise City, ça va me rappeler des énormes souvenirs. Est-ce que tu peux faire plaisir à Manu? C'est Appetite for Destruction. Greg peut te faire ça. Là, ça me vendrait du rêve. Est-ce que tu sais quelle est la plage de l'album? Comme ça, c'est la 7, je crois. C'est la 7. Ah non, c'est la dernière. Alors, sur le vinyle, c'est peut-être pas dans le même ordre que sur le CD. C'est vrai, parce que sur le CD, c'est la 7. D'accord. Faisons un débat. Est-ce que c'est la 7? Hashtag c'est la 7. Vous nous mettez ça sur Twitter. Non, non. Tu l'as, Greg? Allez, Manu, c'est pour toi et pour te remercier d'être avec nous toutes les nuits ici sur la place de la Digue à Charleroi. Merci encore. Et Manu fait un don tous les soirs. Il passe alors que t'es pas dans une situation hyper facile, Manu. Ça va mieux. Ça va mieux qu'à une époque. Bah, c'est super sympa de partager ce que tu as avec tous les enfants qui en ont besoin. 80 000 enfants, on rappelle, qui vivent dans la pauvreté. Et c'est pas normal, c'est des situations qui sont hyper compliquées à vivre. Et grâce à vous, on va faire changer les choses. Et petit à petit, on va essayer que, qu'il n'y en ait plus 80 000. Si l'année prochaine, on peut faire un Viva for Life en vous disant qu'il n'y en a plus que 40 000, ce serait énorme. Et grâce à vous, on peut peut-être y arriver. Viva4life.be pour faire vos dons, pour choisir la musique. Et voici Guns N' Roses, la sélection de Manu. Je vais donc faire de l'air batterie pendant tout le morceau. Exactement, regardez Greg qui arrête de faire de l'air batterie sur la lune en télé. Commence. félicitations de Greg Carré de Pure FM. Bravo. Alors, il a fait toute la chanson en air guitare. Si vous êtes connecté au Live Center ou sur la Une, vous avez vu ce gars se déchaîner. Et en plus, tu fais de la batterie, tu joues vraiment de la batterie, t'accompagnes des artistes. Ouais. Mais là, il faudrait que je parle du ventre, comme dirait. Un petit peu d'essoufflement qui vient. Cette partie-là, c'est pas la plus simple, si tu vois ce que je veux dire. Ça va surtout à une main. Ah ouais, ouais. Comme Def Leppard. Le seul gars qui joue à la batterie d'une seule main. C'est Manu qui nous a demandé d'écouter ce morceau là et justement tu avais l'album en vinyle de Guns N' Roses. L'équipe de Pure FM est autour de moi ce soir. Il y a Greg Carrette qui se déchaîne sur une batterie. Tu fais ça le matin dans Snooze? Oui, parfois. Et ça t'énerve pas quand tu fais ça, Bénédicte? Ça dépend quand on doit reprendre les manettes ou pas. Alors, quand on fait, pour en faire de nombreuses années de matinale et qu'on est en duo, c'est un peu. Alors, c'est comme un couple, parce qu'on passe tellement de temps ensemble, sans. Voilà, vous ne couchez pas ensemble, quoi. Non. Oh, l'hésitation dans le regard de Bénédicte. Qu'est-ce que t'as été raconté, toi? J'ai rien dit, moi, du tout, Béné. Il y a du dossier. Comme on en est encore un peu au début, on ne pète pas encore au lit. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu détestes, Bénédicte, chez Greg? Quand il met le même pull toute la semaine. Tu fais ça? Mais non, c'est pas vrai. J'alterne. Tu sais, moi j'ai bossé avec un gars, Dan Gagnon, qu'on connaît bien, qui est sur la 2. Je vois pas de quoi tu parles. Dan Gagnon, lui, s'habillait au nez. C'est-à-dire que le matin, il choisissait, parce qu'on a fait des années de morning ensemble, il sentait ses vêtements. Si ça puait pas trop, il les mettait. Ben moi c'est plus ou moins au toucher. C'est-à-dire que quand je touche un pull, je le mets. Voilà. Un pantalon pareil. Sincèrement, j'ai pas grand chose à lui reprocher à part qu'on a le bon disque dans Snooze. Donc en fait le principe du bon disque, c'est des morceaux un peu ringards. C'est le petit guilty pleasure quoi, qu'on écoute dans son salon à fond mais qu'on n'ose pas trop avouer aux autres. Et alors parfois Greg Carré ne choisit pas vraiment le vrai guilty pleasure quoi. Il va choisir plutôt des bons classiques. Non mais cette jeune demoiselle, cette jeune demoiselle mangeait encore des better foot alors que je faisais déjà des bons disques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais range-toi, à l'inverse, qu'est-ce qui t'énerve chez elle? Ah, c'est sa manière d'aller faire caca tous les matins à 6h35. Je trouve ça absolument insupportable. De me regarder avec ses gros yeux de biche. Et à un moment, elle va te dire, tu sais, Greg, toi et moi, il pourrait se passer quelque chose. Et non, elle va me dire, je vais aux toilettes. C'est vrai? Deux disques? Non, oui, je dis pas ça, je dis j'arrive. Oh, bah, ça veut dire la même chose. Et quoi, c'est timé, c'est 6h35, vraiment? Ouais, je dois le dire, c'est réglé comme une horloge, quoi. On a un jingle, on me signale en régie. Et maintenant, un bon disque. Merci. Non, normalement, après, on a des cordes de chasse. Hein, mais la régie, à tout moment, quand vous voulez couper cette émission pour en mettre n'importe quoi, si vous avez un son qui vous fait plaisir, un bruitage, tout ça, vous me dites, arrête l'émission, vous mettez le son et vous foutez le bordel, il n'y a pas de problème. Non, j'ai pas grand-chose à reprocher à Bénédicte, si ce n'est... Non, mais le caca, c'est déjà très bien, tu sais. C'est du bon dossier, c'est si tout ce côté glamour que tu peux avoir disparu, là. Si ce n'est qu'elle se plaint toujours quand je la bats au bon disque. C'est un peu Ah oui, parce que le matin, vous proposez chacun un bon disque. Et puis les auditeurs doivent choisir quel titre passe en entier après. Exactement. D'accord. Et c'est moi qui gagne. Comme non, style comme les Allemands. Mais ça va de tout. Alors, vendredi, alors j'ai essayé quand même de perpétuer la grande magie de Noël pendant toute la semaine. Donc nous avons eu Wham avec Last Christmas, qui a quand même rencontré son public. Par contre, le lendemain, Maria Carré. Oui. Ah ouais. Par contre, le lendemain, les prêtres qui chantaient Il est né le divin enfant, ça a moins bien marché. Et là, malheureusement, le dernier jour, quand on a dû choisir entre YMCA. Village People YMCA qui est beaucoup moins Noël et moi je reviens avec cet esprit Noël avec Noël Ensemble qui commence par Johnny Hallyday. Noël Ensemble, très belle imitation. Et voilà, et malheureusement j'ai été vaincu par YMCA parce que les gens n'ont plus cet esprit de Noël. Ils oublient ce petit enfant. Sylvestre, toi, tu l'as l'esprit de Noël? Mais complètement. Vous voulez m'emmener sur quel terrain, dites-moi? Alors non, mais c'est juste que toi, tu animes le seul, donc à partir de midi sur Pure FM. Exactement. Qu'est-ce que tu détestes chez toi, puisque tu peux pas balancer sur quelqu'un? Ah non, mais moi, je peux vous dire ce que je déteste chez Greg, puisque je travaille avec lui parfois. Parfait. Mais vas-y, balance. D'ailleurs, pas plus tard qu'en février, on va partir ensemble à Groningen, donc on l'emmène parfois avec nous en festival. Non, ce que je déteste. Ça fait genre il a droit à une sortie de temps. Non, pas du tout. Mais non, c'est dans le sens très positif du terme. Mais non, ce qui m'ennuie et je l'envie même parfois par rapport à ça, c'est le fait qu'il puisse jamais s'arrêter. J'ai compris qu'il pisse jamais. Non, Ah, c'est ça le. Ah merde, il peut jamais s'arrêter. Il ne s'arrête jamais, ce garçon. C'est hallucinant. Donc, on part par exemple en festival. Il conduit la voiture. Il démonte le matos. Il monte le matos. Il prépare. Ok, check, check, check. Ok, nickel. Il réalise l'émission. Et puis, à un moment donné, on a fini l'émission. Puis, il dit on va aller boire un coup. Ok, puis deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups. Excuse-moi, puis... cette anecdote s'arrête avant qu'on termine le cube. Il reste 62 heures. Mais c'est justement ce que je voulais vous montrer par l'absurde. C'est qu'il ne s'arrête jamais. D'accord. Il ne s'arrête pas. Merci. Donc là, on était à 2, 3, 4, 5 coups. Puis, et le lendemain matin, il vient frapper à votre porte et il vous dit à 6 heures, on n'irait pas faire un jogging. C'est, en plus, c'est vrai. On n'irait pas faire un jogging là. Je dors. Puis il dit, mais c'est pas grave. On ira manger ensemble ce midi. Je lui dis, tu vas venir manger. Et puis il vient excusez-moi, manger. Excusez-moi, monsieur, qui êtes-vous? Et c'est ça. Voilà. Vous comprenez par l'absurde. Non, j'ai rien compris. Mais c'est pas l'absurde. Le fait qu'il s'arrête jamais. Il s'arrête pas. Il continue. Comme toi. Comme moi là. Continue. Mais c'est du côté de la musique. Non, mais attendez, c'est pas fini. Oui, si. Non, c'est pas fini. Non, mais il continue. Mais parce qu'après, il continue. On écoute Pacifique. Quand tu sers mon corps et vous continuez à choisir la musique, vivaforlife.be, vous faites un don. Et on écoute la chanson que vous avez choisie. Quitter mes premiers pas dans les jardins secrets de l'amour en liberté. De toi, j'ai appris à subir la loi, esclave de tes bras. Terminé. Le temps d'écouter la chanson de Fontaine est toujours occupé. Écoute, il faudrait mettre ce disque-là. Il dit oui, mais pas de souci. Mais attends, mais je vais aller voir dans la voiture. Puis il va dans la voiture, il revient, il me dit, on ferait pas un petit jogging, s'il te plaît. Mais je dis, et pendant ce temps, c'est quoi? On s'en fout. Non, mais je voulais vous montrer à quel point il s'arrêtait jamais. Mais j'ai compris. Je pense que tout le monde a compris. Merci pour cette anecdote, Sylvestre de Fontaine. Ouais, vous savez, vous me posez une question, je vous réponds. Bah, c'est le principe. Et j'y vais c'est très... avec tout mon cœur. Et vraiment, j'essaie de vous répondre de la manière la plus circonstanciée possible. J'avais un espoir que vous partiez. C'est fini déjà? Mais non, on est encore là. Non, parce que Greg me disait justement que c'était pas fini. Ouais, ça allait continuer. Il n'est que 4h52 et on a encore du temps à passer ensemble cette nuit. Je suis avec vous jusqu'à 6h. Et puis c'est Sébastien Nolvo qui sera là, qui se lèvera avec vous. J'ai entendu une petite harpe. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être un barde? Ouais. La voix a essayé de se connecter avec nous. La voix, vous êtes là? Oui, il y a quelques problèmes techniques. Oui, on vous entend très loin, la voix. Revenez dans le cube. Mais non, je ne peux pas rentrer dans le cube. Non, mais par contre, on vous entend très très loin. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous voulez un disque? Parce que moi, j'ai du disque. Vous n'avez pas encore demandé. On va passer un morceau. Le temps de réparer la voix et puis on vient dans un instant. Il y aura une surprise. Oh. Il y aura du dossier. Vous ne sortirez pas de la même façon que vous êtes rentré de ce cube. Ce qui va se passer dans quelques minutes va vous transformer. Ah. Restez bien là. Avant ça, on va écouter un morceau. Ça aussi, ça va vous transformer. C'est un morceau qui rapporte de l'argent, 80€ dans la cagnotte Viva for Life. Et c'est André de Bastogne qui a choisi d'écouter, attention, Jordi. C'est dur être bébé. Ouf. Jordi, dur dur d'être bébé, qui a été demandé sur vivaforlife.be. Merci pour ce choix. La voix, oui. Qu'est-ce qui vous amène? Un blind test. Ah, blind test. Deux équipes. Oui, Cyril, vous choisissez votre partenaire. Qui? Eh ben, c'est avec quoi le thème? C'est rock. C'est rock? Oui, c'est rock. Qui s'y connaît en rock? Je regarde Greg. A priori, pas mal. Sylvestre aussi. Hein, donc. Bon, ben je joue avec. On va faire. J'ai pas de pièce. J'allais faire un pile ou face. Greg, t'as une tête de rocker. Ok. Je vais faire avec toi. Allez, équipe rock. Je joue avec Cyril. Greg et moi, Sylvestre, Bénédicte. Celui qui perd fait un tour de la table avec une musique rapide. Avec quoi? Une musique rapide. Ah, ok. Ah, une musique rapide, okay. D'accord. Ok. Premier extrait. Rage Against the Machine, Killing in the Name. Un point pour nous. Merci Greg, bravo. 1-0. Deuxième extrait, la voix. Oui, deuxième extrait. Ghost Swing. Ah, c'est un point pour nous aussi, je crois. Greg a tapé en premier sur la table. Oui, c'est 2-0. T'as pas donné les règles. Il faut taper sur la table. Mais je les invente au fur et à mesure, les règles. Ok, troisième extrait. C'est ici. Merci Bénédicte, un point pour vous, ça fait 2-1. Ok, quatrième extrait. Ah, zut. J'ai Non, il le disque s'appelle All Borough King. Le groupe c'est Doggy Dog. Non. C'est une bonne réponse. Ouais. Ce qui est génial, c'est que si vous êtes en train de nous suivre en télé, ouais, c'est que quand ouais, ils pensent avoir la réponse, on dirait des gars qui vont éternuer. Ils ont la bouche ouverte, ils sont vraiment. Ah, on pense que le gueulachum va sortir, mais non, c'est une réponse qui arrive. Et alors, si vous voyez la télé, vous pouvez aussi vous rendre compte que Cyril n'en touche pas une en rock, ouais, parce qu'il attend que je réponde. Rien du tout, regarde, je suis spectateur. J'ai une confession à vous faire. Oui, la voix. Tous les blind tests, ça va pas avec Cyril, en fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'en ai gagné des blind tests. Vous aimez la musique, vous faites un animateur radio, mais vous aimez un peu la musique. Ben bien sûr, mais vous savez que j'ai une émission, on ne passe pas de musique, c'est ça. Ah, voilà. Attention, ouais. Green Day. Non, le président de United States. Ouais. Oh. En fait, le truc, c'est que je les connais, mais je sais pas ce que c'est. J'aime bien. On est à 3-2. Oui. Ah, c'est tout. Et c'est le défi est terminé ici, le blind test est terminé. D'accord, donc ça veut dire que maintenant. Mais c'est Béné qui va courir, hein. Bénédicte, ah non, Simon, vous allez devoir courir ensemble. Pendant combien de temps? Et qu'est-ce qu'on. Alors, c'est pendant une musique rapide, vous ouais, allez devoir faire le tour. Mais oui, comment est-ce qu'on leur fait faire le tour? Vraiment juste en courant? Enlacé. Mais enlacé, mais en courant. On va faire la queue leu-leu, quoi. Non, non, non. vous êtes face à face, enlacé. Sylvestre, viens à côté de Bénédicte. Il nous reste, il nous reste une minute avant les infos qui de va faire 5 heures. Allez, allez. Mais vous pouvez faire sur le côté aussi. Alors, attention, c'est à suivre en télé et sur le stream sur viva4life. Allez, balance la musique, balance la musique. Attention, la musique, c'est parti. Vous faites le plus vite possible ensemble. Ah, c'est juste un tour. C'est juste un tour. Moi, je croyais que c'était pendant toute la musique. Et bah, tu sais quoi, pendant les infos de 5 heures, toi, tu vas courir. Tu t'arrêtes pas de courir, tu cours autour du cul. Tu viens de pas courir grâce à moi. Non, parce que c'est un mec qui adore courir. Je voulais raconter ça quand même, qu'il adorait courir, qu'il faisait des jogging à 6h du matin. Bah oui, mais je pense que du coup, c'est l'occasion. Allez, vraiment, pendant les infos, c'est ton défi, Greg. Tu vas courir autour de la table, tu ne t'arrêtes plus. On va se retrouver dans un instant pour une nouvelle heure de Viva for Life avec vos sélections de musique, avec vos dons. Viva4life.be, vous choisissez la musique que vous avez envie d'écouter, la musique que vous avez envie de partager. Et au passage, vous aidez les enfants. Un enfant sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Ce n'est pas normal. Il faut que ça bouge. Et grâce à vous, on va arriver à faire changer cette situation. Viva for Life, avec nos partenaires. Colibri pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Bon lundi, il est 5h. Michael Menten pour vous informer. Bonjour à tous. Il a perdu sa majorité absolue hier aux élections législatives en Espagne. Le premier ministre sortant, Mariano Rajoy, doit ce matin tenter de constituer un nouveau gouvernement. Une tâche difficile vu le morcellement du Parlement avec deux nouvelles entrées. La gauche radicale Podemos, désormais troisième force politique du pays, elle a gagné 69 députés hier soir. Les centristes en ont 40, la droite de Mariano Rajoy en a 123, les socialistes 90, c'est leur pire score depuis plus de 20 ans. On votait également en Slovénie ce dimanche un référendum pour ou contre le mariage homosexuel. Eh bien, c'est le contre qui l'a emporté. 63% des Slovènes ont rejeté la loi autorisant le mariage gay adoptée par leurs députés en mars dernier. La Slovénie était le premier pays de l'ex-bloc communiste à avoir ouvert le mariage aux couples homosexuels. Chez nous, une nouvelle perquisition a été menée hier en début de nuit dans le quartier bruxellois de Dansard. Une opération qui était, selon le parquet, en lien avec les attentats de Paris. Mais le fugitif numéro 1, Salah Abdeslam, n'en était pas la cible. Au total, deux personnes ont été interpellées. Il s'agit de deux frères. Les unités spéciales d'intervention s'étaient déployées avec de gros moyens, dont deux véhicules blindés. Cette question à présent, les syndicats du rail maintiendront-ils leur préavis de grève? Vendredi dernier, le Conseil des ministres a proposé de désigner des conciliateurs pour reprendre la voie des négociations à la SNCB. Mais il a mis une condition à cette désignation, que la CSC Transcom et la CGSP Cheminot renoncent aux 5 jours d'arrêt de travail annoncés début de janvier. Baptiste Dupin, on devrait connaître leur réponse aujourd'hui. La CSC Transcom et la CGSP Cheminots ont prévu de se réunir dans le courant de l'après-midi pour se prononcer. Les préavis ont été déposés en front commun. La décision de les maintenir ou non doit donc être prise en front commun également. Ce dimanche, le président de la CGSP Cheminots annonçait déjà que le retrait du préavis de grève ne se ferait pas sans contrepartie. Le préavis ne sera levé qu'à condition de repartir d'une page blanche dans la négociation, a-t-il déclaré. La CSC Transcom est sur la même longueur d'onde. En d'autres termes, pour envisager un retrait de leur préavis de grève, CSC et CGSP demandent à la direction de la SNCB le retrait des points qui fâchent, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui visent à augmenter la productivité du personnel. Du côté de la direction, on ne semble pas vouloir bouger sur ce point, dès lors que ces mesures ont été approuvées en commission paritaire, malgré l'opposition des syndicats. Chacun campe donc toujours sur ses positions. Dans le reste de l'actualité, ils jouent le match de leur vie. Seb Blatter et Michel Platini connaîtront d'ici quelques heures le verdict de la justice interne de la FIFA. Les deux hommes risquent d'être radiés à vie du monde du football après un scandale de corruption présumé. Au cœur de l'affaire, le versement d'un paiement suspect de près de 2 millions d'euros. En Pro League, trois matchs au programme hier pour fermer la 20e journée de championnat. Et cette débâcle pour Bruges et le Standard, les Brugeois ont perdu 1-4 chez eux contre Anderlecht. Le Standard a lui aussi sombré à Ostende, 4-1 pour les Coutiers. Mais pour l'attaquant Renaud Edmond, le score ne reflète pas la physionomie du match. Je pense que c'est assez sévère, même si c'est vrai qu'ils nous ont quand même bien pris dès le début du match. On a eu du mal à rentrer dedans, je pense. On fait le plus dur en égalisant. Et puis, en faisant le 2-1 avec un but un peu de chance, on peut le dire, ça les relance. Et puis, on revient en deuxième mi-temps, on essaie de pousser, de revenir dans le match. Et puis, sur cette phase où Anto Ovono fait un super barré, sur le contre, ils font 3-1, donc je pense que c'est le tournant du match. Après, ça a été difficile, peut-être qu'il y avait un peu de fatigue après le match de coupe, mais bon, ça doit peut-être pas être une excuse non plus. C'est un peu sévère quand même, je pense. Renaud Aymont au micro de Pascal Chimay. Enfin, la Gantoise a battu en fin de soirée Courtrai 3-0. Les Buffalo restent leaders au classement général avec 43 points devant Ostende, 38 points. Merci de nous écouter. Très bon lundi à tous. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. Avec Cyril. Et vous choisissez vos morceaux, c'est ça le concept de Viva for Life. On a encore 62 heures, 9 minutes et 3 secondes, nous sommes enfermés avec Sébastien Nolvo, Sarah Depadua, Sébastien qui va arriver tout à l'heure aux alentours de 6 heures pour vous accompagner en ce lundi matin. Et vous choisissez la musique sur viva4life.be, vous faites vos dons. Ici autour de la table, il y a Bénédicte Depré de Pure FM, de Snooze. D'habitude, tu démarres dans une heure. Cyril. Ça va bien toujours? Ouais, ça va super bien. Là, j'étais. T'es allé chercher ta voix en coulisses? Boire un petit coup, manger un petit bout. Ah, voilà. Le mot manger, c'est interdit dans ce cube. Tu ne peux pas le prononcer, on n'a pas le droit de manger, tu sais ça. Du liquide. Ah, tu manges du liquide en mâchant, hein, ça se voit. Merci, bien essayé, bon rattrapage. Sylvestre de Fontaine est là aussi, ça va toujours. Salut Cyril, oui, ça va toujours. Merci de passer la nuit avec nous. Viva4life.be pour faire vos dons, pour choisir la musique. On compte sur vous, les enfants comptent sur vous. Il y a un défi qui a été lancé vendredi dernier à Denis Collard. Vous savez que Denis Collard vient régulièrement faire un point météo. Et un auditeur a proposé qu'il fasse la météo en wallon. Oula. Denis Collard sera avec nous dans un instant. Il réalisera la météo de ce lundi matin en wallon, juste après Michel Delpech pour un flirt, et ça a été choisi par Frédéric qui est de Bressoux. Frédéric, il a donné 10 euros pour écouter Michel Delpech. Merci. Viva for Life. Pour un petit tour. De Nicolas en chantant en pyjama chez vous. Ah, mais je ne suis une intenseuse, ça va, je ne suis une intenseuse, Cyril. Bon, Dieu me fait. Bonjour, de Nicolas. Alors, il y a quelques jours, c'était vendredi, on vous a lancé un défi ici en direct la nuit dans Viva for Life sur la une et sur vivaforlife.be. C'était de faire la météo en wallon. C'est un auditeur qui avait demandé de faire ça. Vous allez pouvoir le faire tout de suite après ça. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Où ? Chez Cora. Parce que vous êtes sponsorisé, Denis. C'est comme ça. J'y suis une vedette, on est nain, ça veut dire. Bon, allez, aujourd'hui, on va Nikos les adjaler. Hein. Il faut bah, savoir qu'il va qu'on faire doux pour la saison. Hein, Faye, oui. Alors, il va faire doux pour la saison. On va avoir quelque chose comme 12, 13 degrés, quoi. Hein. C'est franchement nain ce qu'on peut avoir au mois de décembre, quelques jours avant Noël, ça veut dire. Ah, nani, nani. Et dans le bocal, ben, déjà, il faudra qu'on boive un petit coup, hein, parce qu'il faudra ni trop se déshydrater là-dedans. Sinon, pour reste, il fait qu'on miette un peu humide du côté de Luxembourg par là, mais c'est en train de péter vouille. Et nous allons avoir de belles éclairies dans le courant de la journée. Hein. Ça va n'aller si mal que ça. On va passer une bonne chiche, une bonne chiche. Et pour les prochains jours, ben, ça va devenir un petit peu plus maussade, notamment pour le jour de Noyer, mais Tcho Noyer, pas de main au frais. Ça, c'est le dicton qu'il dit. Mais alors, je vous présente Arsouille. Hein. C'est votre grenouille, Arsouille. Voilà, oui. Arsouille, c'est ma grenouille. J'en parle un petit peu français, donc vous avez compris. Hein, il va faire doux, encore un petit peu de pluie ce matin près du Grand-Duché. Parce que Arsouille, est un, voilà, elle voudrait faire un petit peu connaissance avec Cubi. Depuis qu'on lui a dit, il y a un chat qui vit dans un bocal. Alors Arsouille m'a dit, mais moi, Denis, je vis tout le temps dans un bocal. Alors est-ce que Cubi et moi, on pourrait pas For life, vous faites for life. Et on peut vous voir d'ailleurs la faire sur le live center et sur la une. Vous voulez faire quoi avec la grenouille? On l'a perdu. Ben, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Moi, on pourrait peut-être leur donner leur chance. Hein, leur chance pour que ma petite grenouille sorte de son bocal. Passe-moi juste la caméra qui est devant toi. On va tenter de montrer où se trouve Cubi et essayer de le prévenir qu'il y ait une candidate pour lui. Qu'est-ce que ça donne comme animal à un chat qui fait l'amour à une grenouille? Ouf. Vous pensez un monsieur météo en miniature. Il y a Aurore qui est dans mon oreille. Enfin, elle est dans mon oreille, c'est par le casque. Hein. Mon Dieu. Qui me dit, ça fait une chatouille. Ah oui. C'est ça. Ah, une, oui. chatouille. Une chatouille. Une grenouille et chat. C'est une chatouille. Alors, c'est une chatouille. Je vais montrer. Je vais vous montrer Cubi. Oui, alors. Ah. Voilà, l'activité. Cubi. Tu vas voir Cubi. Ouais. Tu vas voir Cubi. Hein. Tu es gentil. L'activité hein. principale de chat. Hein. Voilà c'est Cubi. À dire dormir. Cubi que je suis en train de monter sur la une. Alors il est sous le meuble du studio que vous voyez en ce moment sur Live Center et sur la une en télé. Et les avances de votre grenouille ne l'intéressent pas vraiment, j'ai l'impression. Ah, il est beau, hein. Ah, il est beau. Oh, Cubi, je t'aime. Cubi, je t'aime. Oh Cubi, je t'aime, mon Cubi, je t'aime. Je te ferai la météo du matin jusqu'au soir, quand on ne pourra plus. J'espérerai qu'il fait beau. Ah. Et même que s'il y a de la pluie, je dirai encore qu'il fait beau. Cubi, c'est mon ami. Je pense que ça ne sert à rien. Même parce que... si mon maître, c'est Super Denis. Cubi a réagi. Elle s'est retournée. Là. Cubi s'est retourné. Je pense qu'il n'en a rien à faire, malheureusement, Cubi. Denis. Je pense qu'il est excédé. Cubi est blasé. Ouais. Il va mettre ses pattes sur ses oreilles tellement il ne peut pas. Dites, votre grenouille, c'est pas une cousine de la voix? Quand même. Il y a un truc hein, quand même. Ça ressemble la voix, à. Oui, c'est rendu la voix. La voix qui vient régulièrement la nous voix, rendre visite. Cyril. La voix, vous êtes là. Est-ce que c'est de votre famille la grenouille? Ah, mais c'est ma cousine. C'est de ma cousine. Ça va bien? Tu vas bien? Bon ben on va y aller nous. Ah mais je vois que t'as trouvé un bonbon. Je vais appeler un médecin. T'es parvenu à avoir aussi un bout de vivacité? Ben moi aussi. Mais franchement je vais te dire, la météo c'est mal payé hein. J'espère qu'il te donne un petit peu plus hein, parce que moi, à part deux morceaux de salade et tout ça pour dire qu'ils vont encore faire trop chaud à Noël, eh ben je dis que c'est pas assez payé. Rebellons-nous, oui, camarades du bocal. Surréaliste. Est-ce que 5 heures n'est pas une heure charnière? On va écouter. Merci Denis. Bravo pour ce défi qui a été réalisé. Bravo Denis. Je ne contrôle pas tout Cyril. Ah bah oui, désolé. J'imagine c'est votre grenouille. À bientôt Denis, à tout à l'heure. À tout si elle veut bien. Oui. On fera la météo en français tout à l'heure. Greg, il y a un vinyle. Oui. C'est un choix commun. Sylvestre, Greg, vous avez choisi tous les deux. Oh bah on est tous les deux des amoureux du chagrin d'amour. Ah, c'est un choix de circonstance. 5 heures du mat, j'ai des frissons. Ah oui. Mais c'est maintenant. Eh ben on l'écoute. Il est 5h10. Ah, j'adore. Je peux chanter tout le morceau, moi, par contre. Et quelque part, pour Béné qui aime le rap, c'est un peu le premier rap en France. C'est vrai. T'es contente. Non, si, c'est vrai. Ah, si, on est d'accord. Avec Vali. L'équipe de Pure FM qui est autour de la table va chanter. 5 heures du match, j'ai des frissons. Je me claque des dents et je monte le sang. Seul sur le lit dans mes draps froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex, cette bouteille vide. Je suis tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre, tombe sur le lino. Je me coupe la main en chantant les morceaux. Je stérilise des murs qui dansent. L'alcool ça grise et ça commence. Sur les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait Sylvie, plaît. Précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait Sylvie, plaît. Quelles ont à me dire les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Une liqueur forte ou des cafés noirs. Je peux l'info rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros. Cuis le petit chose dans le matin rose. Garde mon ondine sur sa combi. Tout près d'une porte, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4, patibulaire, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sur un de sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne. Je dis 50, je dis 50. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Que de pression dans les bars. Personne ne peut pas savoir. Chacun fait ce qui lui plaît. Les gens ont de ces maniques. Des décalcomanies. 7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. je sais que c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les badilons qui filent sur les dredons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie, le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose, ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc glacé me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait, fait ce qui lui plaît, plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous des pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, fait ce qui lui plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se pavent, le petit ronron. Les éminents, des petits bateaux. Pour de l'âge-pelle, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en pli. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Tout ce que ta classe fait du tracas. Plus de chine et maladie. Bébé, famille, ça bouillit. 8 heures du mat, j'ai des frissons. Et je monte le son. Sauf sur le lit de mes drapeaux froissés. C'est la semi-somme. Sommeil cassé. Je perds la tête. Mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Cette bouteille vide. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombe sur les nôtres. Je coupe la main en massant les morceaux. Les karaokés, ça raclage. On est avec l'équipe de Pure FM dans Viva for Life dans le cube sur la place de la Digue à Charleroi avec Sylvestre de Fontaine, Grete Carrette et Bénédicte Depré qui ont chanté. Très belle interprétation, ça vaut le coup. Je pense que le jour où la radio s'arrête, vous avez une carrière. Hein, qui ça vous peut attend. Arriver quand il y a un problème de réseau, on est obligé de chanter parfois. Ça t'est déjà arrivé à l'antenne, un disque qui s'arrête et tu chantes? Vraiment? Mais oui. Pauvres auditeurs. Mais oui, on prend la conduite et on chante. Ouais, c'est très bien. Alors heureusement que nous on ne doit pas le faire, t'imagines. 144 heures de chansons si ça fonctionne pas, on n'est pas dans la merde. D'ailleurs, la chanson, la suivante, c'est vous qui la choisissez. À tout moment, vous débarquez, c'est vous qui faites la programmation du Viva for Life pendant toute la durée de cet enfermement dans le cube pour soutenir les enfants. C'est 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans des situations qui ne sont pas tolérables et vous pouvez y changer quelque chose. Tous ensemble, on va y arriver. Tous ensemble, on va tenter de battre les 2 100 000 euros de l'année dernière qui ont été récoltés à Liège. Ici, à Charleroi, on découvrira le montant mercredi soir en sortant du cube. Lorsque Zazie nous délivrera. Et d'ici là, vous pouvez faire changer les choses. Vous pouvez faire grimper ce compteur en choisissant un morceau sur vivaforlife.be. Vous choisissez le montant du don que vous voulez faire. Et puis on écoute votre chanson. C'est par exemple ce qu'on va faire tout de suite avec Alain Chamfort qui a été sélectionné. Et c'est la chanson Manu Riva d'Alain Chamfort qu'on va écouter. C'est 5 euros qui rentrent dans la cagnotte. Et c'est grâce à Marjorie de Marchéneau pour On sait tout près d'ici. Merci Marjorie, merci beaucoup pour cette sélection et pour ce don qui fait grimper le montant. On découvrira sur le compteur et don pardon, on va y arriver. Je vous rappelle qu'à partir de 40 euros de don, c'est déductible fiscalement. Vous donnez 40, vous en touchez 18. C'est comme si vous en donniez 22. Faites-vous plaisir. Viva4life.be. Jamais n'arriva. Là-bas, là-bas, là-bas. you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Merci à Grégory, un énorme merci. Il a donné 50 euros, Grégory, pour écouter Elton John. Wow. I'm still standing. Tiens, je vous entends chanter ici, l'équipe de Pure FM qui est avec moi. Eh bien, on va faire un jeu autour de la chanson, si vous voulez bien. Pendant ce temps-là, vous continuez à faire vos dons vivaforlife.be pour choisir la musique. La musique a du cœur. On la partage ensemble pendant encore 61h46 minutes. On compte sur vous. Vous faites un don. On écoute la chanson que vous avez envie d'écouter. Vivaforlife.be. Ou alors, si vous voulez faire un don par SMS, vous pouvez aussi. C'est le 4001. C'est le numéro. Le numéro est gratuit. Vous tapez votre numéro de compte, un espace, et puis le montant du don que vous avez envie de faire. Et vous recevrez une confirmation derrière que le don est bien passé. Allez-y, 4001. 1001 par SMS ou alors le virement, ça marche aussi. BE35 8x0 37 37. Merci à vous. Alors, comme vous chantez ici autour de la table, nous allons faire un jeu. Vous souvenez de l'émission La Fureur avec Arthur sur TF1 à l'époque? Oui. Il y avait un jeu qui était génial. Alors, sauf que eux, à l'époque, il y avait le karaoké, il y avait les paroles qui défilaient. On peut pas le faire ici, mais Greg, tu es au platine, tu vas nous mettre des chansons. Oui. Et puis à un moment, tu couperas. Exactement. On devra continuer à chanter les paroles. Oui, la voix a eu un peu pitié de moi, vu que j'ai attendu plus ou moins 6 heures pour passer un pauvre disque et demi. Elle m'a dit vas-y, balance du vinyle et on verra si ça suit. Allez, c'est parti. Allez. Va-t-on réussir ? Déjà, il faut connaître les paroles. De quoi tenir le coup ? Alors, il s'agit donc de téléphone, la bombe humaine. C'est ça. Bombe humaine, tu la tiens dans sa main. C'est un détonateur juste à côté du cœur, c'est ça? Si par malheur au cœur, de l'accélérateur, je rencontre une particule qui mène de sa humeur. On a. Faudrait pas que je me laisse aller. Pour téléphone, c'est bon. Tu as réussi, Sylvestre, à continuer les paroles. Alors, comme vous êtes sur des morceaux vieux, tu veux dire des vieux morceaux, on va faire la même chose. Donc, pour le moment, c'est ta manche, Greg. Ouais. Et après, on va faire une sélection avec Bénédicte. Ouais, ça marche. Et comme ça, tu pourras planter Sylvestre et Greg. Pas sûr. Oh, pas sûr. Mais pas sûr. On est dans la musique, nous. Attends. Sheila. Suivez les yeux l'étoile du berger. Attention, je te demande. où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Allez, celui-là, c'est bon. Hop, on en prend un autre. Oh, oh bah oui, voilà, ouais, attention. Il y a du pognon ici. Et attention, 5h30, mais encore du fuel dans la cuve. 5h du match, j'ai des frissons. Attention là. Nouveau vinyle que Greg est en train de poser sur les platines. Il arrête la musique, on doit continuer à chanter les paroles. C'est quoi ta nouvelle sélection? Oh, bah ça, mon ami, vous allez découvrir ça tout de suite. Alors c'est parti. À suivre toujours en télé et sur viaformat.be. C'est dur à chanter. En anglais, c'est la télé. Je gère les claquements de doigts. Action donnée des souris enfants. It's just an illusion. Illusion. Illusion. Celui-là c'est bon. Greg. Oui. Baisse la musique quand on parle. Donc celui-là, c'est bon, on en fait un dernier et après, c'est Bénédicte qui va choisir les morceaux. Dans quelques minutes, on fera une petite pause, vous choisissez la musique. Le prochain morceau, c'est à vous de le choisir via forlife.be pour faire un don et sélectionner la musique à partager. Attention, dernier extrait, tu coupes la musique à un moment donné et puis on continue à chanter. Feldman, les valses de Vienne. Les amours infidèles s'écrivent sur logiciel du fond de la nuit. Ah, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on ne se souvient plus vraiment des couplets. Oui, tu peux caler sur le refrain quand tu veux. Ah bah oui. Et nos chagrins de monde. Moi je fais ça au pied levé, mon ami. Dans les pages du grand monde. Allez, on y arrive là, tout doucement. Maintenant que deviennent les valses de Vienne. Et moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Dis-moi si tu m'aimes. Oh non, merci Greg, attention dans un instant, la vengeance de Bénédicte avec des morceaux que toi tu connais mais que ouais. Greg et Sylvestre de Fontaine ne connaissent peut-être pas. Peut-être. On verra ça dans un instant après U2, Sunday, Bloody Sunday, très bon choix, ça a été sélectionné sur viaforlife.be. Patrick de Châtelineau qui a décidé de mettre 20 euros. Patrick, merci beaucoup. Oh, Holy Sunday de U2. Dans un instant, Bénédicte Dupré de Pure FM va se venger. Nous allons refaire la fureur, l'émission que Arthur animait sur TF1. On passe une chanson, un moment on arrête la musique et il faut continuer les paroles. Ce sera juste après la pause. Viva for Life avec nos partenaires. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Ce soir, dans le cube en verre de Viva for Life, c'est soirée feu de camp. Pour choisir les chansons que vos animateurs reprendront en canon, faites un don sur vivaforlife.be. Et dès 22h, sortez votre guitare pour saluer la fin du jour avec Sarah et sa patrouille d'invités. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Suis ton cœur. France Gall résiste dans Viva for Life. C'est Vivacité que vous écoutez ou que vous regardez en ce moment sur la une en télé, sur vivaforlife.be, sur le Live Center. On est là 24h sur 24 pendant encore 61h, 32 minutes et 14 secondes. Vous choisissez la musique, vous la partagez. Si vous avez envie d'écouter un morceau, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Et faites plaisir aux enfants, les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté, en faisant un don sur vivaforlife.be. Par exemple, France Gall résiste, c'est Christian qui l'a choisi, Christian de Scarbeck, et c'est 40 euros de plus grâce à Christian qui fait plaisir à tous ses enfants. Merci à lui. Alors, il y a un instant, on a joué avec Greg Carrette de Pure FM qui nous mettait des morceaux. Il arrêtait la musique et puis il fallait continuer à chanter les paroles. Oui, et c'était des vieux machins parce que c'est des trucs en vinyle. Effectivement. Alors, vengeance maintenant. Et là, il y a eu réclamation. Que tu écoutes, tu peux le lire. De Bénédicte, avec qui tu animes Snooze sur ouais. Pure FM. On va continuer les équipes. Hein. Tout à l'heure, on avait deux équipes pendant le blind test. Bon, on va échanger les équipes. Je vais aller dans l'équipe de Bénédicte et Greg et Sylvain de Fontaine, vous faites équipe de votre côté. D'accord ? Ok. Alors, on change le style musical. Alors, Bénédicte, viens ici à ma place. C'est toi qui prends le contrôle de la console. Et. Bah non, tu vas pas prendre ton casque parce que le fil est trop petit. Mais tu vas prendre celui-ci. Ah, ils sont déjà pas organisés, Greg. Donc, ça doit aller. Elle dit souvent des conneries comme ça dans Snooze. Bah ouais, ouais, quand d'accord. Même, ouais. Enfin bon. J'ai dit ton casque, Cyril. C'est toi qui a pas entendu. 5h30, c'est normal. Alors, voilà. Ok. Ok. Ah, t'écoutes fort, toi. Bon. Ah oui, elle est sourde. Vous êtes prêts? Ah oui, je savais pas dire, elle est sourde. Vous êtes prêts, les papis? Ouais, on est prêts. Un jour, ouais. Sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter. C'est demain qu'on commence. Partir un jour, sans bagage, oublier. Ah, un petit peu à côté, quand même. Le point est pour nous, Gérard. Ouais, Cyril, ouais, ouais, pour nous, ouais, ouais, bien sûr. Bah là, on est sur le couplet, là. Ouais, mais les gars, quoi, entre vous un petit peu, là. Deuxième extrait, c'est parti. T'as dit des champs de rêve plein les fourneaux, tu vois, c'est ça. Non, attendez, la chambre à air loin du poireau. Mais c'est un truc celtique, vous pouvez pas comprendre. Ah, je ne sais pas du tout. Ah, bah, non, nous on veut bien jouer, mais. Non, en plus, c'est la partie la plus facile en plus de la chanson, le refrain. Non, mais c'est le chanteur gaélique, attends, tu rigoles. Nous, ce qu'on sait, c'est que c'est originaire de Bretagne. Et que c'est les deux équipes. Alain Stubbe qui est à l'origine de cette chanson, et ça on sait. Cyril, tu proposes quoi? Quand on dit que tu t'arrêtes pas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu m'as dit, parce que je t'expliquais. Le point est pour nous, l'équipe de Pure FM. Mais c'est n'importe quoi. Et on joue juste pour le fun, parce que là, je pense que les règles, enfin, les dés sont pipés, quoi. Non, mais attends, troisième extrait, faut vraiment se concentrer. Ouais, est-ce que ouais, vous êtes ouais, prêts? Oui, bah, oui, bon. Alors, sur le dernier, on fait quelques tours, on fait quelques tours avec la langue dans la bouche. Je propose que pour le dernier, vous soyez tout seul. On est hyper fair play. Vous pouvez avoir le point. Mais vous n'étiez déjà pas là avant. Hein, de toute façon. Allô la lune. Allô. Allez, vas-y, balance. Prêt? Non, mais je pense que c'est une. C'est parti. Balala, balala. Même la couper, hein. Mais pas du tout. J'étais totalement dans le tempo. Continuez. C'est une super matinée ce matin. Donner des sous pour les enfants. À 1, 2, 3 euros, 4 euros, c'est bien aussi. Si tu veux un disque, tu balances de la thune et on te le met. Je peux même te le scratcher. Awa, awa, nous aussi, on va le faire play, on va laisser chanter aussi. Surtout Cyril. Un disque, Heureusement. Heureusement que Cyril il anime une émission où il n'y a pas de musique. Hein. Ouais, parce, ah, que, parce que non, enfin. En même temps, s'il coupe les débats et qu'il doit parler à la place, ça ne doit pas être évident non plus. Non, c'est pas évident non plus. Alors, monsieur Piquet, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Eh bien, je pense que. Hop, il coupe le son et la Cyril, il se dit la suite. Je pense que tout le monde en est témoin sur la une en télé, sur viaforlife.be. Victoire de Bénédicte et de moi, bien sûr. Non, allez, on veut bien te faire plaisir, Victor de Bénédicte. Bah, ok, d'accord. L'équipe du Pure FM est avec nous ce matin dans le Cube sur Viva4Life, sur la Une, et nous allons écouter de la chanson Nicky Jam. Ça vous parle, Nicky Jam? Elle perdonne. Ah, bah, le matin, le matin, quand on s'appelle confiture. Elle perdonne. Excusez-moi d'être anglophile. Voici le morceau avec Enrique Iglesias. Ça a été choisi par Aurélie, qui donne 40 euros. Merci, Aurélie. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está mal. Sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Nicky Jam, Enrique Iglesias, haciendo historia. Saca White Black. La chanson est terminée, on est en direct, ça peut arriver hein, de temps en temps que la chanson se termine et qu'on s'en rende pas compte. Il y a Sébastien qui vient de se réveiller, ouais, ça mais va. J'étais en train de discuter avec les gens, on s'en fout. Allez, remets une chanson. Oh, la voix du matin que tu as. C'est violent. Attends, je me fais peur moi-même. Le gars qui rentre de boîte. Non, mais ça va, ah, maman, j'ai pas fumé ce soir et j'ai pas. Il rentre pas, il rentre dans la boîte. Et donc, je suis censé de réveiller les gens. Ah, bah, ça va. Bonjour les gens. Toi aussi, tu te réveilles. Tu fais peur. Ah, tu m'étonnes. On dirait Dark Vador. Ou Barry White. T'en es pas loin. Ouais, c'est Barry White. Barry, oui, enfin en même temps. On est mort. Ça... Oui, oui, on est mort, le pauvre. Faire gaffe. Bon. Mais attention. Je vais aller remettre. Je vais aller remettre un slip un peu transparent. Et je reviens avec une vraie voix du matin. On dirait tataillé. Il y a Françoise qui est avec nous au téléphone. Bonjour Françoise. Bonjour. Comment ça va, Françoise? Très bien. Vous appelez d'où? De Vezon. C'est à côté d'où, ça, Vezon? C'est près de Tournai. À côté de Tournai. Ah ouais, c'est génial, Sylvestre. Chez mon coin. Voilà. Elle a voulu voir Vezon. J'ai, j'ai de la Bami. Copine à Sylvestre. Ah, je viens de la Bami, près de Tournai, t'as. Ah bon? Ben ouais. Ouais. Très bonne région. Non, ben sûr. Chez les meilleurs. Qu'est-ce que vous faites à Vezon, Françoise, à cette heure-ci? Elle se lève, elle est chez elle, à mon avis. Peut-être qu'elle se pose des questions. Comment tu en fais? Écoutez votre émission toute la nuit. Ok, ça va, respect. Pas. Françoise, vous avez un peu rigolé cette nuit? Formidablement. Formidablement. On surtout est de nouveau... avec la tondeuse. Ah, oui. Aussi. Je vais expliquer à Sébastien. Je vais vous montrer à Sébastien. Sébastien qui n'a pas vu forcément parce qu'il dormait. Regarde ce qu'on a fait de mon torse. Ah ouais. Pourtant tu partais d'une belle touffe. Et j'ai fait un don à Cubi. De poil à Cubi. J'ai fait un don de poil à Cubi. Mais là, avait tu, déjà tu pas mal. Tu connais le dessin sur le torse. Oui. Ça c'est. T'as une calvitie qui démarre ou pas, toi, Sébastien? Non. Parce que sinon, je peux encore t'en donner. Hein. Attends, tu vas continuer 4 heures, toi, hein, si tu commences à m'aborder en disant t'as une calvitie qui démarre. Non, mais c'était une question, parce que moi, j'ai pas de problème, je peux la montrer. Hein, c'est une Non, moi, j'en ai pas, alors. Non, j'en ai non pas. Ça va. Non. Bon, on va écouter de la musique. Enfin, Françoise, vous avez choisi Angoul et Florent Pagny. Il y a une raison? Oui, parce que... Tu voulais faire chier qu'on se rendorme ou quoi? Pardon? Tu voulais vraiment qu'on se rendorme en mettant de la musique de naze? Mais non! C'est parce que j'ai pas osé mettre le titre que je n'ai pas trouvé sur le répertoire. Mais autrement, j'aimais mieux celle de Angoun tout seul. Ah ouais, à nos enfants, que je trouve que c'était une chanson vraiment dédicacée à leur attention. Ouais, mais pump it up, quoi, cette fille. Il faut réveiller Sébastien. Bon, merde, parce que Françoise va se coucher. Finalement, on va garder Angoun avec Marc Lavoine. Voilà. C'est bon, merci, Françoise. Avec Florent Pagny, mais avec Marc Lavoine, si tu veux. Florent Pagny. Ouais, ça s'appelle Nos Vies Parallèles. Hein. Françoise, un énorme merci. Vous avez donné 40 euros pour écouter ce titre-là. Hop là, on ajoute ça à la cagnotte et on vous fait des bisous, Françoise. À bientôt. Salut, Françoise. Aussi, excellente journée. Bonne continuation. À vous aussi. Merci, Françoise. Des bisous. Viva for Life. Pienso en ti, ¿dónde estás tú? J'ai besoin de faire un break, je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. Chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train. Qui a été choisi sur viaforlife.be par Françoise qui était avec nous au téléphone, Françoise de Vezon, qu'on l'embrasse très fort. Si vous aussi vous avez un don à faire, si vous avez une musique à choisir, viaforlife.be. Et puis tout à l'heure, le call center qui sera ouvert dès 7h30 ou 8h. Vous pouvez noter le numéro de téléphone déjà, 0800 30 007. On va faire un énorme bisou à l'équipe de Pure FM qui était avec nous cette nuit. Bénédicte Depré, La Carrette, Sylvestre de Fontaine. On vous retrouve quand sur Pure FM? Snooze, la rentrée, c'est en janvier. Parfait, on sera là le 4 janvier. Bonne nuit. Merci à bientôt. Merci Cyril. Prochain rendez-vous. en janvier, midi 13h. Bande de glandeurs, quoi. Deux semaines de vacances. Non, mais sinon, c'est on a beau, des gens informés. On travaille dans le service public. Ah, mais on vous a arnaqué, Cyril. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous vous engagez? On va pas expliquer ou quoi? Alors, je fais le malin, mais je suis aussi en vacances. Hein, jusqu'en janvier, après ce passage dans le cube. Merci beaucoup. À très vite. Merci pour cette nuit passée avec vous. On retrouve tout de suite la météo. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. De Nicolas et sa grenouille, quel temps fait-il aujourd'hui ? Salut Cyril, salut Sébastien, hein, je crois qu'il est là aussi déjà maintenant. Une partie de moi, l'autre arrive. Je vous motive Sébastien, je pense à vous. C'est gentil Denis. Pas beau ça le matin, voilà. Allez, mais pas trop tôt quand même, mais il va faire doux aujourd'hui puisqu'on a des températures de 7 à 12 degrés attendues. Avec, attention aujourd'hui, petit bémol, il y a du vent, il y a pas mal de vent. 7 à 12 ou 13 degrés, des rafales de vent jusqu'à 60 km/h. Et puis un petit peu de pluie, mais ça ce sera pour la nuit prochaine et demain matin, très faible. En fait, c'est une semaine très douce qui s'annonce, assez venteuse, avec des températures qui bougeront pas beaucoup, 7 à 12 ou 13 degrés. Pas de Noël blanc, donc. Mais un vent dont il faudra un petit peu se méfier, un vent qui reprendra vigueur la nuit du réveillon. Voilà, et puis il y a mon arsouille de grenouille qui fait encore un petit bijou à Cubi. Comment elle va, la grenouille, depuis tout à l'heure? Qu'il y a une vraie idylle qui naît, hein. Elle va bien, mais elle est un petit peu comme un amoureux éperdu qui vient de se prendre un râteau. Si vous venez de vous brancher sur Vivacité ou sur la Une en télé, tout à l'heure, la grenouille de Denis Collard a tenté de draguer notre chat Cubi. Cubi qui dort sous la table depuis tout à l'heure. Et Cubi a juste ouvert un œil et s'est retourné. Genre, il a complètement basé. Gros râteau pour votre grenouille. Elle s'en remet quand même, ça va? Regardez la tête qu'elle fait. Elle est toute triste, on la voit en télé en ce moment. Autorium, ma fifi. On va essayer d'arranger ça. Bon, Denis, on vous retrouve tout à l'heure pour la météo. Encore une fois, à tantôt. Avec grand plaisir. Vous choisissez la musique a du cœur et vous la partagez. Par exemple, vous pouvez choisir U2. Ça te plairait ça, Sébastien, pour te réveiller, U2? Ça peut le faire, oui. Oh, la voix. Ça peut le faire. Et ça te parle? Ouais, ça peut le faire aussi. Ça, ouais. C'est bien. Ouais, ouais. Bah, tout peut faire, en fait. Ça aussi? Ouais. Ça... Là, par contre, je veux prendre ma voix pour ça. Ah, mais alors, on peut avoir d'autres morceaux? Peut-être qu'on peut choisir ça? Non, ça veut pas le faire. Quoique. Bon, si vous avez envie de choisir la musique, vous le faites. vivaforlife.be. Et si vous avez juste un don à faire, pas de musique en particulier, vous pouvez aussi. Il y a le SMS qui fonctionne. On va voir si tu as les idées claires ce matin, Seb. SMS, comment ça se passe? 4001, le numéro de compte, un espace et le montant que vous mettez pour vivaforlife. Oh, c'est très bien, tu dis ça avec les yeux fermés, ça va aller sérieusement? Non mais il faut que je ferme les yeux pour me concentrer, sinon je n'y arrive plus. On est encore dans ce cube pendant un petit temps. Hier en direct à la télé, on a passé la moitié. Il nous reste maintenant 61h14. 61h14. Le gars, il a pas les idées claires. Et 50 jours. Allez, dans un instant, le journal de 6h avec Christophe Grandjean. On vous quitte pas. Oui, on va dormir. Ouais, allez, salut. Les plus grands artistes de 2015 se mobilisent pour Viva4Life. Muse offre le disque de platine de leur album Drones qu'ils ont eux-mêmes signé aux enchères pour Viva4Life. Vous aimez Muse ? Faites vite, cette enchère s'achève.